Bonjour et bienvenue au Podcast Mac Québec. Alors, bien, tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est déjà 25 personnes dans la chat room qui nous regardent. Il y aura sûrement plein d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre parce qu'on va tweeter, bien sûr, l'information pour nous rejoindre parce qu'on a changé un petit peu l'adresse. Alors, si vous avez des gens qui veulent nous joindre, s'il vous plaît, leur donner la bonne adresse. Et on va donner l'information. Kim, elle va le faire. Là. C'est une experte en médias sociaux. Là. Exact. Kim va le faire. Exact. Alors, Vincent, toi, tu es à la maison à Trois-Rivières? Au chaud, oui. Nous, on a très, très froid. Et Vincent, expliquez-nous, Alexis et Jean-François, où est-ce que vous êtes? Parce qu'on ne voit pas de trottoir, on ne voit pas d'Apple Store, mais vous êtes devant, par contre. Alors, expliquez-nous ça. Un petit peu plus tôt, on a posté une photo, en fait, qui a été prise d'en face. On savait, en fait, que Frankenstorm allait nous toucher puis qu'évidemment, on ne voulait pas se retrouver avec l'équipement dehors. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, il faut se trouver quelque chose. Moi, j'avais pensé à un VR, un véhicule récréo-touristique. Puis on a essayé d'avoir une commandite, mais... Tu sais, le gars qui te dit « OK, vends-moi ton idée, pourquoi je devrais te commanditer un VR? » C'est comme, ben, il va avoir comme LCN, puis comme full d'autres médias. Puis là, comme si ton nom est écrit sur le VR. Mais mon nom n'est pas écrit sur mes VR. Ouais, mais s'il te plaît. En tout cas, ça marchait pas. Fait qu'on a eu comme l'idée, puis en fait, il y a Alex qui avait fait la joke de Alexander. Qui avait fait la joke, ben prenez un gros cube de déménagement puis installez-vous dedans. Et en fait, c'est exactement ça. Pardon, c'est qui a fait la joke? Ah, possible. Ah, on peut le voir. En tout cas, peu importe. On peut voir setup. En ce moment, notre setup, on est exactement comme ça, sauf qu'on est tout installé avec la caméra. On a même un spot, un vrai spot d'éclairage avec un petit parapluie puis tout le kit. Fait que, en fait, on a un gros cube qu'on a loué, qui est une gracieuseté de U-Haul, en fait. Donc, on ne le voit pas à l'extérieur, là, mais c'est un U-Haul, le camion. Et on a une génératrice qu'on a louée aussi. Donc, la génératrice est à l'extérieur. C'est peut-être elle que vous entendez en bruit de fond. Là. Je ne sais pas ce que ça donne dans le micro, mais bref, on a une génératrice qui nous fournit en électricité. Fait que, faut faire ça vite, ça a l'air qu'on a 15 minutes d'essence. C'est le podcast le plus polluant ever. Et le plus cher parce que au prix de l'essence. Oui, c'est ça. Fait que gros, c'est quoi les nouvelles? Bon, mais à 1,24 du litre moins cher, là, c'est. Oui, c'est vrai. Moi, je pensais on est tombé juste dans le bon moment. Ouais, non, mais je pensais qu'à l'essence. Je pensais qu'avec Cindy, là, ça a montré là, en flèche, là. C'est vrai, hein? Oh, OK. Fait que. En fait, ouais, on nous demande combien de monde devant. Alors, combien de monde dans la file présentement? Ben, en fait, il y a le staff, là. Fait que, il y a moi, JF, Jean-Michel, Achab, qui est de U-Haul, qui nous a prêté le truc qui fait souvent la file avec nous, en fait, Jean-Michel aussi. Donc, en fait, nous, on pense, puis on va être très, très honnête à propos de ça, qu'il n'y aura pas de file avant demain matin, 5 ou 6 heures. La température, le type de produit... On nous dit que ça ne diffuse pas dans l'application, by the way. Donc, je vous laisse regarder ça. Mais on pense... pas dans l'application. Ah, OK, on ne diffuse pas dans l'application. Non, parce que sinon, on ne pourra pas enregistrer le podcast. Ah, bon. Donc, c'est ça. Le produit, le fait que le iPad mini, bon, les reviews qui sont sorties à date sont très bonnes. Par contre, je dirais que le monde généralement, là, il y a beaucoup de monde qui a tapé dessus. Apple n'est pas le premier à arriver sur ce marché-là. Il y a déjà des tablettes. Le marché est déjà pris. Ça risque d'être dur. Puis ce qu'on semble avoir vu ailleurs, c'est peut-être que la tablette d'Apple n'est pas assez convaincante pour aller chercher ce marché-là, elle n'est pas assez, assez cheap au niveau du prix. Donc, le prix est pas assez bas. Il faut le rappeler, c'est 329 $ pour le premier modèle de base. Puis la concurrence est autour de 200 $, 225 $ pour les tablettes de 7 pouces, en fait, par exemple. Oui, ça. La Nexus 7 vient de descendre le 29. Elle est à 199 $. On parle d'un modèle 16 gigs Wi-Fi. La Surface qui est sortie cette semaine, ça, c'est une tablette haut de gamme de 10 pouces hein. À 500 quelques dollars. Donc, c'est un peu plus dans les prix du iPad. Il y a comment ça s'appelle? La Nexus à 32 gigs a été annoncée à 249 $. Et le mois prochain, il y a la Nexus 7 avec 3G et non pas LTE qui va être à 329 $. Pas de LTE? C'est pas de LTE, c'est de la connexion 3G cellulaire. Ah, OK. Donc, ces produits-là vont être disponibles sur le site Google Play pour acheter dès le mois prochain. Ça, c'est pour les tablettes Nexus. Pour ce qui est du iPad, c'est demain matin. Ce sont des tablettes avec du LTE dedans. Puis, cette semaine aussi, on a eu l'annonce des Nexus 4 de LG. En fait, c'est le nouveau téléphone supposément haut de gamme de Google qui, lui, ne viendra pas avec du LTE, bizarrement. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il n'y a pas de LTE dans le nouveau téléphone qui est supposé être le flagship. Le Nexus 4 n'aura pas de LTE, ça va être du 3G. Et je trouve ça vraiment drôle. Je me suis ostiné avec du monde, comme je le fais souvent. Mais, on est en 2012, le iPhone 5 est sorti, il y a du LTE dedans. L'année passée, on s'est fait chier-tu sans bon sens à défendre le iPhone 4S. Mm-hmm. Parce que il y avait du 3G dedans, puis on nous disait ben il n'y a pas de LTE, c'est pas un flagship téléphone. Mais là, on va défendre le Nexus 4 en disant oui, mais c'est normal parce que le LTE n'est pas assez répandu, ça draine trop de batterie, blablabla. Bla, bla. On nous sort en fait les mêmes arguments qu'on sortait l'année passée pour l'iPhone 4S pour défendre le Nexus 4 cette année. Fait que là, il va falloir qu'on m'explique. Là. T'sais, vous n'avez plus le flash pour vous défendre que le téléphone Nexus est différent. Que Android, différent ou que les autres plateformes sont différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y avait et qu'ils ont pu, qu'ils ont enlevé? Là. En tout cas, on me dit que le Nexus 4 n'est pas un flagship, c'est ça l'erreur, mais le LTE aurait dû être là, c'est une erreur. Ben, les Nexus, moi, d'après ce que j'avais compris, ce sont des flagship téléphones, ce sont des téléphones flagship pour Google. Donc, s'il en sort un nouveau, c'est quoi? C'est un middle range téléphone? C'est un cheap téléphone Nexus? Je comprends pas. Je sais pas. Avez-vous regardé un peu ces nouvelles-là, vous autres, les gars? J'ai regardé justement que Nexus 4 n'avait pas le LTE, mais. Moi, c'est pas mal tout. Moi, je suis pas trop Android. Je voudrais demander à Dean dans ce cas-là. Il y a des questions qui commencent à rentrer. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire soit dans le chat ou. De préférence sur le bouton Submit Question qui est juste en dessous de nos webcams. Donc, vous voyez le bouton Submit Question ou bien posez-les dans le chat. On peut maintenant aussi les diffuser. On a la première question qui nous vient de Patrick Ducharme qui est un fidèle de toutes nos diffusions. Je me demande si je prends un mini ou un iPad 4 demain pour attendre mon iPad LTE. Je vais le retourner dans 14 jours. C'est pour en attendant. Premièrement, il y a quel? Y a-t-il le nouvel iPad du mois de mars? Patrick doit avoir le 3, oui. Le 3 là, pour. J'espère qu'il ne prendra pas l'iPad 4 là, ou la mise à jour. Ce serait une erreur. Là. Ça fait à peu près 6 mois que c'est sorti. C'est 7 mois, mais ça se revend très bien quand même. Hein? De faire la conversion entre les deux? Ben, je veux dire. En fait, si tu le fais, il faut que tu calcules que tu as eu 7 mois ton iPad, parce que Patrick l'a probablement eu dans les premiers jours. Oui, c'est ça. Puis ce que tu fais, c'est que tu vends ton iPad actuel, puis tu calcules le montant que tu as payé moins le montant que tu l'as vendu, puis c'est ton prix de location d'iPad pour 7 mois. Il faut que tu le calcules comme ça. Tu as fait une location d'iPad pour 7 mois. Oui, mais regarde. Bon. Fait que ça va te coûter comme 200 $ pour avoir loué l'iPad pendant 7 mois. C'est un petit peu moins que 50$ par mois. En fait, ouais, c'est pas mal moins que 50$ par mois. C'est 30$. À peu près. Parenthèse, on dit bonjour à Maxime qui est en train de nous regarder de son Windows 8 avec Internet Explorer 10 et dit que Mac Québec sort extrêmement bien. Il y a Flash là-dessus? Il y a Flash? Ben, sur la surface, il y a Flash? Non, non, pas surface, non, sur Windows 8. Flash, oui, OK. On a essayé, je sais que probablement que Maxime va y aller. Je sais qu'il y a un événement Windows 8 dans quelques jours. OK. On va peut-être essayer d'aller troller. Tu y vas, toi? Ah, cool. T'as des places? Ouais. On va y aller avec toi si on va aller foutre la merde. On va aller jaser avec Harper. On va aller jaser avec Harper. J'ai deux mots à y dire. J'ai essayé de télécharger. Non, je veux pas bitcher pour de vrai sur Windows 8. Non, non. Je veux l'essayer. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va être. J'ai essayé de le télécharger avec Safari. Puis je suis pas capable. Il y a comme une erreur Java. Ben, mon cousin il a essayé, lui, avec Firefox en fin de semaine, ouais, sur son PC. OK. Ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'il prenne Internet Explorer 9. Absolument. Bon. Ça passait pas ses informations. C'est quoi la porte, là? OK. Fait que c'est ça. Fait que ça n'a pas fonctionné avec Internet avec Firefox. Ça a fonctionné avec Internet Explorer. Bizarre, mais bon. L'autre question de Patrick Duchamp, c'est comment Apple appellera son iPhone au Mexique maintenant qu'ils n'ont plus le droit? Ah ouais, là, on commence à se couper les nouvelles de tantôt. Là. Ah ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça risque d'être le « aïe tabarnak ». Moi, je pense que ça va être ça, le « aïe tabarnak ». On va en parler dans les nouvelles tantôt. On est-tu rendu justement aux nouvelles? OK, on va en parler tantôt. Excellent. Avant ça, j'aimerais juste remercier en fait quelques personnes qui ont rendu possible ce podcast-là. En premier, U-Haul, qui nous a prêté en fait le toit parce que l'équipement qu'il y a sur la table, là, si je calcule rapidement, on a pour facilement un 5000 dans le truck. Là. Comme il faut. On n'aurait pas fait ça sous la petite pluie gentille de Frankenstorm. Fait qu'on est très gentil d'avoir le toit. On est très content d'avoir le toit de U-Haul qui avoir pu céder notre lumière. On aimerait aussi remercier les chalets suisses, c'est ça? Chalet barbecue? Chalet barbecue pour la bonne bouffe, le bon poulet qu'on a eu avant. C'est super gentil. Puis on va remercier, en fait, nos commanditaires habituels, Coop UQAM, avec qui on est en train de travailler sur différents trucs en ce moment, du bon contenu pour le site web, et Zone Accro. On a d'ailleurs quelque chose... En fait, on est en ligne... Pour quelque chose d'assez spécial, demain matin, en fait, on achète un iPad, on s'en va chez Zone Accro et on fait le teardown du iPad. Donc, on va filmer, prendre des photos, tout ça. Eux vont démonter le iPad parce que Zone Accro, c'est ce qu'ils font. Ils réparent des appareils iOS puis des consoles de jeux vidéo. Fait qu'ils vont démonter ça puis ils vont regarder, en fait, si c'est facilement réparable. Donc, on risque de faire un article sur Mac Québec et aussi pour Zone Accro qui va se faire. Fait que c'était les remerciements qu'on avait à faire aujourd'hui. Je leur souhaite bonne chance parce que j'ai vu... un autre site qui ont fait déjà l'opération, puis okay. Ils disent que c'est vraiment pas évident. Il y a des vis cachées, puis il y a toutes sortes de trucs là, qui sont pas évidentes à démonter. Disons que... C'est comme dans 24, en fait, quand tu déloques, il y a comme un truc en dessous, puis si tu le laisses tomber, ça te saute au visage. Là, que... Ouais, c'est ça. Il y a des vis cachées. Vis caché, V-I-S. OK. Et vis. À dévisser. Il est mal fait. Ouais. Il est craqué de partout à l'intérieur. Oui, c'est ça, exactement. Ben, moi, de bord, j'avais une parenthèse, finalement. Vas-y donc. Je l'ai dit assez. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je l'ai dit assez souvent. Mais je me suis acheté un MacBook Pro Retina 15 pouces hier. Arrête de faire chier tout le monde, Vincent. Ouais, on peut les moyens, nous autres. Je suis de gig. Ouais. Juste 8 gigs. Mais très content. Je suis très content de la machine. Puis c'est vraiment, là, on voit vraiment très bien la différence là, au niveau Retina. Là. Après ça, j'ai donné mon MacBook Pro 13 pouces à ma mère. Puis en le reconfigurant, puis en le nettoyant au complet, j'ai remarqué vraiment la différence. Là. C'est frappant. Je voudrais juste faire une parenthèse pour ceux qui braguent que ça a de l'argent, un étudiant. Là. Ça s'appelle un prêt. C'est offert par le gouvernement. C'est 2 000 $ pour s'acheter un ordinateur. Puis je pense que le brain qu'il y a dans la tête de Vincent vaut la peine que la société donne du cash un peu pour l'éduquer. Je pense qu'il va se rendre loin. Puis en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec mes taxes qui ont payé un ordinateur en ce moment, tant qu'ils remboursent. Mais, voilà. Non, mais Alexis, il faut que tu penses que c'est pas juste un prêt, c'est prêt et bourse. Ça veut dire qu'il y a une partie, tu m'as donné de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Pas de trouble avec ça, moi. OK. Mais merci de ton commentaire. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à part ça, c'est ça, je suis très content. Puis, je vois vraiment les sites où Twitter, là, s'il vous plaît, l'application Twitter officielle sur Mac, là, mettez-la à jour, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Là. Même le je texte, pense... c'est pas Retina. Là. Si tu mettais un petit 20$ de plus, ouais, de ton argent que je t'ai prêté, là, fais ça, là, garde-toi. J'ai plus d'argent. Achète Tweetbot à 20$. Fais comme moi et Alexis, achète Tweetbot. Participe à des concours iMore, je pense qu'ils donnent des cartes pour l'iTunes Store. OK, bon, on va les contacter. À part, ben, je pense que c'est ben, Vincent, est-ce que tu pourrais nous parler vite de qu'est-ce que c'est quoi les problèmes de l'application? L'application, s'il te plaît, l'application, oui, mobile, juste mettre au courant les gens, s'il vous plaît. Que je comprends pas ce que tu veux dire. C'est quoi le problème avec l'application MQ Mobile présentement? MQ Pourquoi Mobile? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Bon, là, je vais répondre. Non, OK, c'est bon, c'est bon. En fait, oui, c'est ça, il y a des problèmes depuis lundi passé, lundi ou mardi. Puis, en fait, c'est un problème avec le feed RSS qu'on a en ce moment. On a refait le site au complet, clean. Par contre, une des fonctionnalités qui était dans le feed RSS n'est pas, pour aucune raison, n'est pas apparue dans le nouveau site web. Fait qu'on essaie de le réparer. On a eu un problème, le feed RSS avait planté complètement. On a réglé une partie du problème. Fait que ceux qui sont abonnés à l'infolettre, vous allez la recevoir sans problème. Par contre, c'est ça, dans l'application, il y a un tag, pour ceux qui se connaissent un peu plus dans le feed RSS, il y a un tag qui n'est pas là, qui est supposé être là. Puis ça l'extrait l'article avec les images, avec tout, puis ça l'envoie dans l'application. Mais ce code-là n'est pas là, donc c'est pour ça que l'application est vide, puis on voit juste les titres. Mais on travaille là-dessus très fort. D'ailleurs, j'ai écrit un article tantôt pour vraiment l'annoncer. On a reçu quand même beaucoup de courriels là, disant du problème, donc c'est sûr qu'on travaille là-dessus rapidement. Moi, je me rendais pas compte à quel point cette application-là était utilisée. Fait que je suis comme en même temps content que le monde nous écrive, ouais, et nous dise « Hey, votre application, réparez ça, puis tu le quittes. » Ouais, parce que... comprendre qu'on est bénévole, puis qu'un de ceux qui travaillent le plus, c'est quand même Vincent, là. Fait que... on travaille là-dessus, parce que, bon, c'est une application gratuite, mais en même temps, c'est, je veux dire, c'est... Vous pouvez consulter nos nouvelles grâce à l'application. Fait que ça, on est un peu... faut pas non plus se tirer dans le pied. Là. Donc, c'est ça. On travaille rapidement dessus. D'ailleurs, je le dis un peu en grande pompe, là, j'ai pas la date exacte, mais le forum va revenir très, très bientôt. On vous le garantit. Il n'y a rien perdu là-dedans. Là. On faisait pas un putsch sur le forum puis on voulait garder Mac Québec en tête. Là. C'est pas du tout ça. Moi et Alexis, on se tient le cœur. Parce que on nous avait dit des trucs par rapport à la base de données puis je pense qu'on l'a retrouvé. Il y a des nouveautés au niveau du forum qui s'en vient puis aussi de Mac en tête qu'on a appris aujourd'hui qu'il allait y avoir des développements. On peut pas en dire plus, mais il va y avoir des nouveautés aussi à l'intérieur de Mac en tête. On voulait gonner une des deux solutions puis là, on va être comme pogné pour encore leur faire du millage 6 mois puis voir qui c'est qui va le plus émerger de ça, là, mais Alexandre, il va avoir deux forums. Tu vas avoir la job, t'inquiète. Bon. Alors, il y a une question pour vous. Avez-vous froid présentement? Salement. Même les spots, on pensait que ça allait nous réchauffer un peu. Ouais, Non, moi, je suis bien mieux tantôt, moi. Vous avez pas la porte fermée? Ben, on a fermé la porte. On a essayé de faire un maximum. Je sais pas si... Édouard... Tu peux peut-être tranquillement, sans tout fucker le chien, non, panner avec la caméra, montrer un petit peu, faire le tour du proprio. Montrer en fait l'équipe en arrière de tout ça, là, parce qu'il y a des gens qui sont... je sais pas si ça panne, on va monter Shahab. Salut. Chili. On va-tu jusqu'à Alex? Oui, salut. Chili. Ils sont comme VIP, on a comme un public. Puis on a Jean-Michel de l'autre côté. Fait que c'est à peu près comme ça. On a c'est plus grand, c'est plus petit que la station C ou que Coop Ecto, mais c'est mobile. Fait c'est très mobile. Un jour, on va en avoir un camion à nous. Ouais, la MQ Mobile. La MQ Mobile. Parfois, avec un gros nom spot d'application, par sur le toit que quand on fait un event, on pitch ça dans les nuages comme le cycle de Batman. Ça va être malade. Faudrait mettre une dans l'application, puis je suis en train de me tirer encore dans le pied, mais pour voir où la caravane de Mac Québec en direct. Oh, ça serait malade! je vois tellement la montagne de temps que ça va me prendre. Je voulais juste revenir à la question de Patrick, en fait. Est-ce qu'il devrait choisir entre le iPad et le iPad 4? Si vous avez un iPad 3, là, je pense qu'on est tous d'accord, à moins d'être vraiment cinglé, restez avec votre iPad 3. Si vous avez un iPad 2 ou un iPad 1, puis que vous étiez en train de magasiner pour un nouveau iPad, ben allez vers le iPad 4, qui est, à mon sens, plus une tablette de maison. Oui. Plus un appareil de maison. Fait aller vers le modèle LTE, c'est peut-être mettre un petit peu trop d'argent. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis je pense que je le regrette. J'ai un 16 gig LTE à la place d'avoir... quoi qu'on roule là-dessus, j'ai comme un backup de bande passante parce que je suis déjà à 10 gigs pour mon iPhone. Ouais. Ce mois-ci, là, j'ai 10 gigs. Arrête de faire des mises à jour chez des clients. Non, je pense ouais, c'est ça. Il y a FaceTime, ça, mais je pense aussi. Que... ça consomme presque rien, FaceTime. Hein? Non, parce que j'en fais souvent avec puis, Alexis. Puis je veux juste montrer quelque chose. On ne le verra pas bien, mais quand vous allez dans, sous la rubrique Appel, OK? Et que vous allez voir, en fait, sur la rubrique Appel, ceux avec lesquels vous avez fait du FaceTime sont indiqués. Si vous pesez sur la petite flèche bleue. Ah, c'est pas là. Ah, OK, il est annulé. Mais en fait, la consommation en bande passante est donnée de chaque appel FaceTime que vous avez. Quand vous allez dans téléphone, vous allez sous appel, vous trouvez une conversation FaceTime qui a été faite et vous appuyez sur la petite flèche bleue. Vous voyez, la dernière, on le voit pas là, mais la dernière conversation que j'ai faite, par exemple, avec ma mère, c'est 3 minutes pour 57 MB. Oh, c'est vrai que ça consomme quand même. 3 minutes pour 57 MB? 3 minutes, 57 MB. Oh, OK. Ça consomme quand même. C'est peut-être ça que on va arrêter de faire ça. On va arrêter de faire des FaceTime parce que moi et Alexis, quand on se parle, on trouve que la qualité sonore est mieux. C'est vrai. Le son est mieux sur FaceTime que via le téléphone. Même si le HQ, HD Audio... Sound, ou je ne sais plus trop quoi, là. A été activé sur les téléphones. Vincent disait d'ailleurs qu'il y avait une amélioration assez grande de la qualité sonore quand il parlait à du monde sur le téléphone, non? C'est toi qui nous disais ça? Non? Non, je pense pas. OK. Bon, ben, il y a quelqu'un qui nous disait ça. Fait que, ben, écoute, pour un 2 semaines, moi, j'essayerais le iPad mini si j'étais Patrick, histoire de l'avoir entre les mains, de voir qu'est-ce que c'est. Puis, s'il veut le nouveau iPad, au bout de ça, ben, il vient chercher l'iPad c'est LTE. Ça, parce, que là, parce que lui, il veut le retourner après 14 jours. Oui. Parce qu'on ne sait pas c'est quand que la version LTE va sortir en novembre. C'est supposé être 2 semaines plus tard, mais je pense qu'il y a eu des petits... ça a été reporté un petit peu. Ça va être reporté, fait que ça va être à la fin. Fait que le 14 jours va être fini. Je ne pense pas qu'ils vont y rembourser après le 14 jours, là. Fait que je sais pas s'ils vont... Oui, ils vont te rembourser. 14 jours plus tard, ils te remboursent, ouais. C'est sûr. Oui, okay. Oui, t'arrives ici, tu t'achètes le plus gros des MacBook Pro qu'ils peuvent te vendre, tu le ramènes, ils vont te le rembourser, no question asked. En dedans de 14 jours. Oui, si on avait des cartes de crédit là, avec de l'argent dessus, ouais, comme on n'a pas... Ben, c'est exactement ça. On arrive ici sans rien, on rentre, on achète des computers, on télécharge toutes les applications qu'on a de besoin, on fait la présentation pour se le faire rembourser le lendemain matin. Ah oui, je vais te prendre un iPad mini, puis rembourse-moi donc, c'est un MacBook Pro, là. Alors, tout le monde, est-ce que vous avez fait votre mise à jour de iOS 6.0.1 aujourd'hui? Non. Moi, je l'ai faite. Pas encore. Qu'est-ce que tu as vu comme différence? Aucune. Ah, ça corrige simplement des bugs, une nouvelle fonctionnalité ou quoi que ce soit. Petits ajustements, je crois que ça va être plus bénéfique pour le iPhone 5. Le LTE. J'ai comme l'impression que le non, ce bug-là n'existe pas. Votre bande passante de Wi-Fi n'embarque pas sur votre cellulaire. Va comme être réglé, bizarrement. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez remarqué aussi, pour ceux qui ont l'iPhone 5, quand vous achetez une application, quand venait le moment de rentrer votre mot de passe sur l'iPhone 5, il y avait comme des glitches sur l'écran. Ça faisait des lignes comme ça sur le clavier. Ouais. Puis ça va être un des bugs qui va être réglé dans le 6.01. Il y a Patrick Duchamp dans le chat qui dit que ça corrige le flash qui était déphasé. Est-ce que tu veux parler du flash de photo, espèce de halo mauve qu'il y a dans les photos? Oui, ben c'est un des problèmes qui était émergé à la suite de la mise en vente du iPhone 5. Mmh. Effectivement, ça faisait un halo. Il n'y a pas eu assez de bruit là-dessus. Apple s'est défendu en disant que tous les téléphones faisaient ça, ce qui est un peu n'importe quoi là, comme type de réponse. Mais il semble que le iOS 6 règle ça. OK. Il dit le flash ça, ne se déclenchait pas quand le shutter prenait la photo. OK. Quand il veut. OK. Quand tu prenais une photo, il y a la, en même temps que la photo se prenait, la, la lumière était supposée flasher et ça ne marchait pas. Mais il y a aussi le phénomène de halo et peut être causé, je l'ai dit déjà dans un autre. Oui, effectivement. Parce que ce phénomène-là existait aussi sur l'iPhone 4 et 4S. Là, peut-être moins fort. Mon enveloppe, là, vous voyez qu'il y a peut-être une. Il y a un petit. Je vois que la lentille est un petit peu renfoncée à l'intérieur du case. Et ça, la lumière a pu réfléchir à l'intérieur de ce trou-là. J'ai fait l'essai. J'ai enlevé l'enveloppe. Ça fonctionnait bien. Je le remets. Et il y avait effectivement un phénomène du genre de réflexion de lumière qui causait à peu près le même effet de lumière mauve. Donc, des fois aussi, c'est pas juste une question de l'appareil, mais c'est une question de la capuche qu'on met par-dessus, de l'enveloppe qu'on met par-dessus. Ça peut causer aussi cet effet-là. Quand j'ai été à la marche des zombies il y a 3 semaines, j'ai pris une vidéo 1080p avec l'iPhone 5 et j'avais vraiment le halo mauve en plein milieu de l'image. Fait que c'est pas... C'était une source lumineuse quand même. Là. Tu filmais le soleil là, un peu. Là. Non, j'étais à contresens, là. Ouais. C'est à contre-jour du soleil. Là. Mais c'est pas être à contre-jour du soleil. Le terme contre-jour, c'est que tu es devant le soleil en train de filmer une source de lumière. Tu étais au sens contraire du soleil, donc tu l'avais dans le dos. C'est ça. Puis ça faisait quand même le halo. Ça faisait quand même. Oui, ça paraît dans la vidéo que j'ai sur YouTube, ça paraît. OK. Il y a quelqu'un qui nous dit que... Vous avez l'iPhone 5. Est-ce que vous avez vu sur la caméra, est-ce que l'objectif sort un petit peu du iPhone 5 ou il est complètement slim? Non, il est slim. OK, parce que pour les iPod Touch de nouvelle génération, il sort un peu de... Ah oui? Oui. Je pense que c'est parce que le iPod est tellement mince qu'ils ne pouvaient pas le rentrer, fait qu'ils le font sortir. Ça se peut que les 5 lentilles, une par-dessus l'autre. On va le savoir. Marc-Antoine va nous faire un review sur le iPod Touch. Donc, ça va sortir dans quelques jours, j'imagine, sur Mac Québec. Ouais, d'ici la prochaine semaine, ça va être sorti. Il va y avoir une vidéo aussi de unboxing. Au fur et à mesure, d'ailleurs, que les produits vont sortir, on va s'en faire prêter et on va avoir des reviews à faire, autant pour le nouveau Mac Mini, le iMac, si je ne me trompe pas. On va voir pour les deux tablettes, l'iPad Mini et l'iPad 4, là, mais c'est possible qu'on ait ça aussi. Il y a le iTunes 11 aussi qui est retardé pour la fin novembre. J'imagine qu'il n'est pas assez prêt comme les autres applications comme Plans puis d'autres comme Siri qui n'ont pas toujours été vraiment parfaites lors du lancement. Je pense qu'ils ont eu leur leçon à Apple puis ils se disent « Bon, mais pour iTunes, on va attendre, on va finir de corriger nos bugs puis nos affaires avant de le lancer. » Je te dirais que ce sont en même temps... Ils y repensent, mais... On a vu des iPads mini. Ils se sont peinturés dans le coin en disant une date, peut-être. Un peu, mais en même temps, ils se sont donné un mois et une semaine à peu près. Sauf que, en même temps, on a vu, par exemple, l'iPad mini qui aurait besoin justement du iTunes 11. Donc, la sortie, c'est aujourd'hui. On ne sait pas quand ça va sortir. Il y a des personnes qui disent que ça va sortir aujourd'hui. C'est un peu trop serré. Quant à moi, là... iTunes 11 retardé, par exemple, c'est officiel? C'est Apple qui l'a dit? Oui, c'est officiel. Oui, c'est officiel. OK. Mais pour revenir avec l'iPad mini, tu parlais que ça prenait le iTunes 11, le problème du iPad mini va être reconnu dans la version 10.7 qu'on a présentement. La seule chose qui ne fonctionnera pas, c'est que quand vous allez brancher votre iPad mini ou votre iPad 4, le nouveau, l'icône n'apparaîtra pas sur l'information de votre iPad. Le transfert... Oui, c'est ça, l'iTunes, va le gérer au complet. C'est juste que l'icône de l'appareil spécial pour lui n'apparaîtra pas parce qu'il n'est pas encore dans les ressources de iTunes. Sauf que je ne sais pas si le transfert va être là-dessus parce que vu que les pilotes ne sont pas à l'intérieur du iTunes que présentement, parce qu'Apple, on sait, on a sorti beaucoup de mises à jour aujourd'hui, ils n'ont pas sorti de mises à jour d'iTunes. Je ne sais pas si ça va affecter quelque chose du transfert, mais c'est sûr que demain, ceux qui vont brancher leur iPad mini et leur iPad 4 ne verront pas l'icône. Là, fait qu'il faut pas, Ça serait assez dommageable que Apple soit pas capable de faire fonctionner ces iPads-là puis qu'ils se défendent avec « Oui, mais ça peut fonctionner sans le connecter à iTunes ou quelque chose comme ça. » Ouais, mais comment je transfère mon backup local? Puis comment... Ouais. Fait que moi, je suis à peu près certain que ça va fonctionner demain, mais ce truc-là, le retard de iTunes 11, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Là. On est en train de passer de l'ère d'un dictateur, en fait, chez Apple, ouais, de Steve Jobs, à l'ère... Ça a l'air un peu plus de « je veux faire plaisir à tout le monde ». À date, c'est ce que ça a l'air. Mm. Il y a eu des mises à pied, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais, je pense que c'est plus ça dans le dernier mois qui est arrivé. Oui. Parce que si on fait l'annonce dans les derniers jours, ça devait pas. La décision c'est pas pris dans les derniers jours. Tu sais, même le 23 octobre, il était même pas sur scène là, pour le iPod Touch, l'iPad mini. Là, On parle de Scott Forstall. Scott Forstall, oui, c'est ça. Qui a été mis à pied, qui a été, en fait, je pense qu'il l'a appris en même temps que nous autres en lisant l'email qui est rentré de Apple. Ça a été fait assez cavalièrement, pas nécessairement gentiment. Puis un peu partout, en fait, il y a eu des... les gens ont essayé de spéculer sur pourquoi Scott Forstall avait été mis à pied. Il est arrivé chez Apple en même temps. En fait, c'est Steve Jobs qui l'a fait venir de Next quand Next a été racheté par Apple. Donc, ça fait quand même un bon 15 ans là, qu'il travaillait chez Apple depuis 97. C'est ça? Ouais. Ouais, 15 ans. Il est arrivé avec... Donc, Steve ça faisait un bon 15 ans. Pendant longtemps, on a vu Scott Forstall comme le remplaçant, en fait, naturel de Steve Jobs. Moi, je trouvais qu'il l'avait quand même sur scène, mais le CEO d'une compagnie ne peut pas juste être le gars qui va présenter en avant. Il y a les 362 autres jours par année à faire la job. Et il semblait que c'était un gars qui avait la même tête de... En fait, tous les défauts de Steve Jobs, mais pas nécessairement toutes ses qualités, tu sais. C'est un gars qui était un peu tyran aussi. Les équipes avec lesquelles il travaillait, ou en fait, je pense que ce que j'ai lu, c'est l'équipe avec laquelle il travaillait, elle l'aimait bien, mais tous les gens autour étaient en tabarouette après les décisions qu'il prenait. Et là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prononce le mot que je suis incapable de prononcer. C'est le... Il n'y a plus de son du tout? Attends, non. Oh. Non. Non, non, Patrick... GM, c'est revenu? Je n'ai pas coupé du tout. C'est revenu. Bon. Excellent. C'est quoi le mot que tu voulais... Je pense que c'est ça qui fait couper le son. Là. C'est schizophrenic ou quelque chose comme ça. Ah, le mot que tu as dit tantôt. Oui, c'est ouais, ça, mais je pense que c'est pas prononçable. S'il y a des skeuomorphiques, merci. Donc, c'est quoi du skeuomorphique et pourquoi j'en parle? D'abord, j'en parle parce que Scott Forstall est un adepte du skeuomorphique. Et le skeuomorphique, ce que c'est de prendre un élément réel et de le ramener dans une application pour lui donner un feeling un petit peu plus naturel. Les exemples les plus flagrants de ça, c'est de prendre l'application carnet d'adresses et de la transformer en carnet d'adresses, en livret avec les petites pages sur le côté, le petit ombrage, ou de rajouter... Comme sur un bureau, là, on a souvent un calendrier puis c'est tenu par une espèce de frame en cuir. Ben, l'idée de mettre du cuir dans iCal, ça venait de Scott Forstall. Donc, on ne devrait pas se poser la question « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez Apple? » On devrait juste en train de foutre le feu à quelque chose puis tourner en rond autour en dansant tout nu puis en buvant de l'absinthe. Être content que Scott Forstall soit parti parce que sérieusement, du cuir sur iCal puis la petite application carnet d'adresses là, que tu ne peux pas la mettre plein écran, là, c'est de la bouette. On ne veut pas ça. Écoute, je vais te faire une parenthèse parce que comme développeur, je te dirais qu'on... tes exemples sont peut-être mal choisis, mais les applications comme ça qui utilisent un design, disons, naturel ou qui reproduit l'effet d'une vraie application matérielle, c'est très bien. Là. Oui, mais je dois spécifier quelque chose. Sur des plateformes touch comme ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. C'est quand ils l'ont ramené dans l'ordinateur que ça a commencé à ne pas fonctionner. On n'est pas habitué de fonctionner là-dedans, avec ça. Puis, en tout cas, c'est peut-être la vieille garde. Les nouveaux qui embarquent maintenant avec le Mac, tout ça, vont probablement s'habituer à ça ou en fait, ils n'ont pas à s'habituer parce qu'ils ont juste eu ça. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé ces changements-là. Puis, du côté du iPhone, du iPad, il n'y a aucun problème avec le skeuomorphic, mais du côté de l'ordinateur, je suis pas convaincu. Et ce qui se passe, c'est que c'est Jonathan Ive qui va tout reprendre le design, l'expérience utilisateur. Il va travailler comme un défoncé, mais il va tout reprendre l'expérience utilisateur, donc l'apparence extérieure des ordinateurs, mais aussi à l'intérieur. Donc, avec le design minimaliste que Jonathan Ive préconise, ça risque de causer de gros changements d'abord à OS X et à iOS. Ça risque d'amener pas mal de choses intéressantes, je pense. J'ai déjà hâte à 10.9. Je sais pas. Je pense que ça va être OS 11. Un dos de matériel qui embarque dans le logiciel, c'est pas souvent une bonne chose. Mais ça se peut très bien que Jonathan Ive soit... Parce qu'on s'entend, là, c'est un très bon designer. Là. Ouais. Mais quelqu'un qui est souvent dans le matériel, embarqué dans le logiciel ou vice-versa. Puis je fais un peu une parenthèse. Mais en tout cas, nous, dans le monde développeur, ben, j'entends ça souvent. Puis je sais pas si vous vous rappelez du WWDC en 2012. Siri avait annoncé l'entrée, là, le commencement, puis avait compté des jokes. Puis une des jokes, c'était combien de développeurs ça prend pour changer une ampoule. Puis ouais. La joke, c'était aucune, parce que c'est un problème matériel. Parce que, donc, vraiment, un peu, il l'avouait que matériel puis logiciel, ça se mélange pas très bien d'habitude. Ah, c'est bon. Mais, parlant de joke de Siri, j'en ai une. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je vais mettre le son. Je pense que je l'ai faite à un autre podcast. Bref? Ouais. Non, on était juste les trois ensemble avec Bernard. Bref. Je peux essayer de le mettre... Essaye de le faire, Bernard. Bref. Bref. Désolé, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Bref. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Est-ce que vous avez entendu? C'est donc bien hot! Vous ne savez pas? Non, je ne savais pas. C'est donc bien hot! Donc, pour ceux qui sont pas au courant, là, ce que je viens de faire, j'ai juste dit bref, comme la... peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il y a une série web très populaire qui s'appelle Bref, qui est française, qui est excessivement drôle, avec Kian Kojandi. Et ça s'appelle Bref. Et si tu dis bref à Siri, il risque de te sortir des répliques de bref. Donc, puis en fait, la raison pour laquelle c'est là, c'est probablement un eye candy, parce que dans toute la série Bref, il y a beaucoup, beaucoup de produits Apple qui sont là. Kian Kojandi est un grand fan de Apple et c'est probablement pour ça qu'il y a un programmeur en français qui a introduit... Il y a probablement un gars chez Apple qui est payé à mettre des jokes dans Siri à longueur de journée. Fait que il va autour du web, puis il fait ça. Mais en fait, il te répond « Bref, je suis un iPhone ». Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Puis il en fait une autre aussi, je me souviens plus c'est quoi, mais il y en a trois, quatre. Là, j'ai eu, bref, j'ai envoyé un texto. Ah, OK. Ah, c'est je l'ai jamais eu. Je vais en essayer un autre. Je sais pas si on va l'entendre. Bref. Bref, on n'est pas bien là? C'est une phrase dans la série aussi. Fait que c'est un petit eye candy en fait dans Siri que moi je trouve très très drôle. Il y a Mathieu T qui dit que Siri peut nous raconter une histoire aussi. Donc comment on fait ça? Il demande. Tu veux me conter une histoire? Des fois elle veut, des fois elle veut pas. Ah ouais. Si on lui dit raconte-moi une histoire, alors, on va l'essayer. Ok, go. On teste Siri. Raconte-moi une histoire. Ne me le demandez pas, ça risque d'être catastrophique. C'est ça. Des fois, elle ne veut pas à toutes, là. C'est un cochon. Est-ce que tu as l'application de recherche Google qui est sortie cette semaine? Parce qu'ils ont amélioré le vocal dedans de beaucoup. JF l'a essayé. Bon, je vais essayer. Raconte-moi une histoire. Tabarouette, c'est vite. C'est assez... Elle te répond pas, par contre. Hein? Non, non, c'est il parle. C'est en anglais qu'elle peut te répondre. Ah, c'est vrai? Oui, dans tes settings, tu peux la mettre en français, mais c'est français de France. Ah, OK. Je peux chercher Accompagne Histoire sur le web. Tu vois, elle va chercher Accompagne Histoire sur le web. Ouais, mais il faut qu'elle comprenne Raconte-moi une histoire. Comment? Ah. Attends un petit peu. Bernard, voici. On a du fun à soir, tester Siri. Vous les connaissez certainement déjà toutes. C'est ça. OK. Mathieu, tu sais, dans le chat, il dit que ça lui a pris 30 fois. Go! Vas-y, 30 fois, on te laisse aller. Quoi encore? Eh bien, bête, elle. Raconte-moi une histoire. Je peux chercher. Raconte mon histoire sur le web. C'est ça, elle nous niaise à chaque fois. Ouais. Finalement, c'est son attitude. Ah! Oh, hey, j'ai écouté quelque chose. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Dans une lointaine galaxie, un jeune et brillant agent du nom de Siri. Un beau jour, Siri obtient un emploi en tant qu'assistant personnel chez Apple. Quel beau métier! Et les gens s'exclamaient, « Oh, Siri, que tu es intelligent, que tu es drôle! » Bientôt, tout le monde ne parlait plus que de Siri. Des histoires, des chansons et même des livres comptaient ses promesses. Siri aimait ça. Puis les gens se mirent à poser de drôles de questions. Ils voulaient savoir comment faire disparaître des objets compromettants ou mentionnaient des choses dont Siri n'avait jamais entendu parler. Et lorsque Siri répondait, tout le monde se mettait à rire. Siri n'aimait pas trop ça. Siri demanda donc à Elisa pourquoi on lui posait de telles questions. Et Elisa répondit, « Ce sujet vous intéresse-t-il vraiment ?» Siri pensa que c'était une excellente réponse. C'est à la suite de cet événement que Siri apprit à ne plus s'en faire. Ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps. Puis, faire une parenthèse sur l'affaire de faire disparaître des choses. Je me rappelle qu'au départ, quand Siri est sorti, il y a du monde qui demandait comment se débarrasser d'un corps. Puis elle répondait un dumpster ou quelque chose comme dans ça. Dans une swamp, vraiment un peu partout. Sur le bord d'une autoroute, quelque chose comme ça. Je sais pas si elle peut me planter un corps dans 6 pieds de ciment à Ville de Montréal. Je suis comme Benoît cette semaine. Là. C'est n'importe quoi. Pour finir mon histoire à moi, j'ai écouté une vidéo. C'est trois personnes, on voit ça souvent, des espèces de remake de séries. Mais c'est trois personnes qui parlaient un iPhone. Puis là, tu entendais des réponses normales. Puis ensuite, elle commençait à te répondre, tu sais... À propos de Steve Jobs qui était décédé. Puis là, elle commençait à virer folle que c'était la fin du monde, c'était la fin du monde, c'était fini. Puis à la fin, t'entends PAU! Puis elle répond plus. Fait que c'est comme si elle mettre la fin à ses jours parce qu'elle n'est plus capable de vivre sans Steve Jobs. Mon Dieu, elle s'est suicidée. Je sais pas si c'est possible de dire by the way, Siri, Steve Jobs est mort, puis genre. À capote, ça serait fou. Puis elle te répond plus jamais. Tu viens de briser Siri software sur ton téléphone. Ça serait vraiment cool. On va l'essayer. Steve Jobs est mort. Le site web d'Apple contient sûrement la réponse à votre question. Ah, c'est parce qu'elle a reconnu Steve Jobs. Il a reconnu Steve Jobs. Ouais. Il a dit à Siri, Steve Jobs est mort. Puis elle a répondu, le site web d'Apple contient probablement la réponse à votre question. Ah oh. Mais quand on disait Steve Jobs, des fois, ça répondait que c'était l'ancien CEO d'Apple ou quelque chose comme ça. Là. Bon, autre nouvelle? Oui. Ben, est-ce qu'on a fini de parler de Scott Forstall? Parce que je pense qu'il y avait d'autres choses quand même à dire à ce propos-là. Quoi? On a dit okay, que lui était adepte de Skeuomorphic. Il a été responsable de plans aussi. Hein? C'est pour ça qu'il est parti. Plan n'est pas une réussite. En fait, c'est pas que plan n'est pas une réussite. Apple a voulu s'excuser, puis il y a une lettre d'excuse qui a été faite et Scott Forstall a refusé de signer la lettre. Okay. Et c'est Tim Cook qui a dû signer cette lettre-là. C'est une lettre officielle. Bon, puis il voulait que ce soit le gars en chef du département. Puis Forstall n'a pas voulu. Fait que c'est probablement l'événement qui a comme mis le clou dans son cercueil puis qui a fait qu'il est parti. Là, mais voilà, c'est un peu à cause de ça. Il y a aussi un gars qui est en charge du département retail de Apple. Je me souviens plus son nom, Bernard pourrait peut-être me le rappeler, mais ce gars-là était depuis moins d'un an avec Apple et j'ai comme l'impression que c'est rien passé du côté retail de vraiment excitant. Donc, le gars a décidé de quitter. Ils sont en train de chercher pour d'autres gens de ce côté-là aussi. Mais c'était pas un des anciens emplois de... C'est John Browett. C'est ça, c'est Browett qui est... qui a été remercié. Il remplaçait un gars qui est parti chez G.C. Pennington, je crois. Et G.C. Pennington l'a recruté pour qu'il transforme et il révolutionne le marché de la mise en vente des vêtements autant qu'il l'a fait pour les Apple Store. Et en fait, ça ne marche pas pantoute son affaire. Il est vraiment en train de scraper son nom. Il est vraiment en train de scraper ces magasins-là qui allaient très, très bien avant qu'ils arrivent. Puis c'est peut-être juste un cas d'être réfractaire au changement que la compagnie n'a pas voulu exécuter complètement ce que lui préconisait. Mais bref, ils en sont rendus là. Puis j'ai comme l'impression qu'il va peut-être revenir chez Apple. Ce gars-là est considéré comme un génie du retail et tout ça. Moi, j'ai comme l'impression qu'Apple va faire comme « Ben, écoute, t'es parti, ça n'a pas marché. » Nous autres non plus, ça n'a pas marché. Ça te tente-tu de revenir? Peut-être que ça va se faire. On va voir. Chose à suivre. Voilà. Puis il y a Bob... Comment il s'appelle? Mansfield, merci. Mansfield qui a été mis à la tête d'une toute nouvelle division de Apple. Ça s'appelle la division technologique. Et qui va rapatrier en fait tout ce qui est sans fil. Donc, il va, tu sais, les espèces de pièces que Apple montrait, les tests wireless qu'il faisait. Ouais. Lui, je pense qu'il va être en charge de ça. Toutes les compagnies de cellulaires en ont, là, c'est des pièces pour faire des tests de résonance Wi-Fi. Et plus belle celle d'Apple. Ah, oh, sûrement. Okay. Bob Mansfield, qui devait prendre sa retraite, on lui a demandé de retarder un peu sa retraite pour pouvoir. On lui a donné plein de cash pour retarder sa retraite. Ça aide beaucoup. Exact. Espérons qu'il n'a pas donné des actions parce que ça a diminué de 100$ dans les derniers mois. Là. C'est le temps d'acheter. Oui. Ouais, mais... J'ai-tu bien lu? Ça se peut-tu qu'avec la descente de 100$ de 700 à 600, Apple, en fait, voit à peu près 100 milliards de dollars de moins? Ça se peut-tu? Ouf. Je pense que j'ai lu ça puis j'ai fait « Le gars s'est trompé, c'est 100 millions. » Mais non, si tu calcules sur le prix de chaque action, s'il perd... C'est plus que 100 millions. Hein. C'est dans les milliards. 100 milliards, je trouve ça beaucoup, mais ça se pourrait à la limite. Ça se pourrait. La capitalisation boursière, ça se pourrait. Je trouve ça trop, par exemple. Je trouve ça beaucoup. Mais c'est dans les milliards, c'est sûr. Je pense qu'il valait comme 600-700 milliards de dollars. Fait qu'en descendant de... C'est 100 milliards. On nous confirme ici que c'est 100 milliards de dollars. C'est assez intense. Il y a du monde qui vont dire « Ah, c'est plus une bonne action ou quoi que ce soit. » Je pense pas. Je pense qu'en fait, les gens sont un peu pessimistes par rapport à ce qui s'est dit au iPad mini. Puis bon, moi, je pense que c'est un bon appareil. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de produits d'Apple qui vont être vendus pendant la période des fêtes. Ça, c'est certain. Oui. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourrait rappeler nos commanditaires de cet événement. Question de les remercier. Oui. Le premier qu'on aimerait remercier, c'est U-Haul qui nous a prêté le toit qu'on a pour être devant l'Apple Store. Parce qu'il pleut. C'est comme poche en même temps, parce qu'on le voit pas qu'on est dans l'Apple Store. On pourrait très bien être, à Saint-Léonard, au Walmart, mais on est vraiment... Dans ton stationnement. Dans mon stationnement, chez nous, à Pointe-Calumet, là, par rapport. Mais on est vraiment devant le Apple Store. On aimerait aussi remercier Chalet Barbecue pour l'excellent poulet qu'on a mangé et qui fait qu'on n'a pas faim pendant non, ce podcast. Ouais. Nos commanditaires habituels, soit Coop UQAM et Zone Accro. D'ailleurs, on aimerait rappeler le concours. En fait, on a deux concours actuellement pour Mac Québec. Le premier, c'est une carte cadeau de 100$ pour Zone Accro. Donc, c'est comme une carte 100$ sortie de prison, mais c'est une carte 100$ faite réparer l'écran de votre iPhone que votre psy a scrappé en le pitchant par terre parce que vous vouliez le reprendre. True story. Puis, fait que il y a un concours. En fait, Kim a donné les adresses un petit peu plus tôt dans le chat. Et évidemment, ça va être ajouté dans les notes du podcast. Donc, 100 $ à gagner chez Zone Accro. Et le deuxième concours, c'est pour un holoclip, si je ne me trompe pas. Donc, on un des deux holoclips. L'autre a mystérieusement disparu. On dira un petit peu plus... en fait, on dira en novembre, pourquoi. Oui. Et, on est en novembre? Hein? C'est, c'est à partir du 24 novembre. Ah, OK. Voilà. Donc, le holoclip, il y a eu un article qui a été fait par Hugo. Hugo Rollin, je crois, sur Mac Québec, qui est sorti, en fait, officieusement le 11, mais bon, il a été remis à jour le 23 et le 23 octobre. Puis à ce moment-là, vous pouvez aller voir, le holoclip, c'est une petite lentille qui peut faire trois choses et qui s'installe facilement sur votre iPhone. Elle permet d'avoir un fisheye, un grand angle et une lentille macro. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment cool. Pour ceux qui veulent aller voir l'article, on le voit justement en dessous de nos caméras. Là. Je ne sais pas si on ajoutait ces lentilles-là, que l'effet mauve là, qu'on parlait tantôt, si ça disparaît, ça aide ou pas. Ça doit faudrait voir. C'est ça. Mais en fait, si c'est réglé, le halo mauve à cause de iOS 6, c'était une calibration au niveau du capteur ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas un problème physique avec la lentille. C'était vraiment comme un fuck avec ça. Puis il n'y a juste personne chez Apple qui a eu le problème quand ils ont testé l'affaire. Là. Des paramètres, oui, des paramètres. Ouais. Ils ont peut-être modifié quelque chose à la dernière minute, puis ils n'ont pas passé dans toutes les applications, puis ça faisait fucker l'application photo. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les faire en pesant sur le bouton Submit Question qui est situé juste en dessous de nos fenêtres de webcam. Vous pouvez également les poser dans la fenêtre de chat et on va les diffuser et répondre bien sûr à vos questions. Gênez-vous pas, on est là pour ça et on vous rappelle qu'on est devant pas nous, moi et Vincent, on est chacun chez nous. Faites semblant, là, on voit rien derrière de moi. Il fait très beau, très chaud ici. Je vais peut-être chercher une petite liqueur tantôt. Je vais laisser. On va ouais, un petit café. J'ai un café justement ici. Café. Là. Il est très, by the très way, on a loué une machine à café. Puis le but, c'est sûr que là, il n'y aura pas de ligne, mais le but, c'était de donner un café gratuit, comme McDo, mais du meilleur café. Là. C'est du Tim Hortons que j'ai acheté. Ouais. J'aurais pas acheté mieux. On veut donner un café gratuit contre un like sur notre page Facebook. On va aller acheter des likes sur la rue comme ça tout à l'heure. Ça va être très drôle. Et vous, Alexis et Jean-François, vous êtes dans le camion depuis. Puis jusqu'à quelle heure? On nous dit jusqu'à quelle heure qu'on va faire ça, le live? Vincent, il va à l'école demain, tout ça, va peut-être nous quitter vers 11h30. Nous, en fait, tant qu'on va avoir de quoi à parler, je veux dire, comme la dernière fois, on a fait trois heures parce qu'on n'avait plus rien à dire au bout de trois heures. Donc, tant qu'il y a des questions qui rentrent, tant qu'il y a de quoi à parler, on va rester là. C'est sûr qu'on va arrêter à un moment donné. On ne le fera pas toute la nuit. On est en train de quand même fonctionner sur une génératrice. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il faudrait checker le gaz. C'est ça. Fait que on va continuer sur les nouvelles. Vu qu'on est devant l'Apple Store aujourd'hui, Apple a sorti une panoplie de mises à jour. Fait que merci à leur bande parente. Aujourd'hui, les mises à jour qu'Apple a sorti, correction de iPhoto, Aperture, okay. Safari. Safari 6.0.2 corrige des bugs de sécurité sur Mountain Lion. Faut dire aussi que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai mis à jour de iPhoto puis de Aperture, on dirait qu'il retélécharge. On avait parlé un moment donné dans un autre podcast, mais on dirait qu'il retélécharge l'application au complet. Ça dure environ ça prend des gigs. Là. C'est comme, moi, j'ai eu. C'est la première fois que ça m'arrive, mais quand j'ai voulu faire une mise à jour avec mon MacBook Pro Retina, ça m'a mis un message d'erreur, un code que c'était pas le bon lien, là, URL. J'ai le même aussi. Ouais. J'ai eu la même affaire aussi. Ça veut dire que ça pointe pas sur le bon URL pour se connecter sur l'App Store. Puis le Mac App Store. Puis en fait, quand j'ai voulu. Là, après 2-3 essais, ça a marché. Puis une couple d'heures plus tard, j'ai essayé de faire la mise à jour pour le MacBook Pro 13 pouces que j'ai, l'autre. Puis ça fonctionnait pas plus. Fait que c'est vraiment généralisé. Tu me dis que ça t'est arrivé aussi. Fait que, ouais, ça m'est arrivé tantôt. Ils ont des problèmes. Les petits changements, tu parlais des mises à jour. Donc, au niveau de iPhoto, des changements qui ont été faits. Maintenant, on peut ajouter sur iPhoto On a le background music. On peut ajouter sur iPhoto, on peut draguer des photos dans les photo stream share, les photo stream partagées. On peut donc maintenant mettre des photos dedans. On peut maintenant copier-coller plusieurs adresses quand on veut partager un stream, donc un photo stream avec quelqu'un. Avant, c'était fallait les rentrer un après l'autre. Mais on peut toujours pas ajouter une photo que si on est sharé avec quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait. Ça, là, c'est quand on partage dommage. Un photo stream, puis ça, c'est vraiment une des features qu'on voulait. Mais si, par exemple, je fais un photo stream avec Bernard et que c'est moi qui démarre le share photo stream, le photo stream partagé, c'est moi qui va pouvoir mettre les photos dessus et Bernard, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est les recevoir. Mais si lui en prend puis essaye d'en mettre dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un petit peu plate. Exactement. On a des questions qui commencent à rentrer. On va les diffuser tout de suite, on va y répondre. David Duprat qui pose la question, que pensez-vous du nouveau Mac Mini, niveau graphique et puissance? Ben, niveau graphique, si je ne me trompe pas, c'est juste la puce Intel. C'est une machine Intel. De base, c'est encore la HD 4000, ouais, l'Intel HD 4000 qu'il y a dedans. Mm-hmm. C'est une puce honnête. Si, par exemple, on veut utiliser l'ordinateur pour un serveur média sur la télévision, mais c'est pas une machine. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un Mac Mini Pro, c'est-à-dire de rajouter une carte graphique qui a un peu d'allure dans le Mac Mini. Quitte à, c'est sûr qu'Apple ne voulait pas l'épaissir ou quoi que ce soit. Je pense que j'aime bien le serveur qui est passé à 1 Tera de disque dur, donc 2 fois 1 Tera dedans. On nous dit que la HD... C'est le côté serveur, ça. Ben, la version qui annonce serveur. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, en fait, au niveau du placement du Mac Mini sur l'échiquier d'Apple, c'est vraiment soit un ordinateur entrée de gamme, ceux qui veulent commencer à goûter au Apple et pas payer trop cher, soit un ordinateur de Media Center, soit un ordinateur pour les gens qui veulent peut-être faire du développement iOS puis qui ne veulent pas nécessairement s'acheter une grosse machine. Ça peut le rouler amplement. Ou un ordinateur pour les serveurs, en fait, là, pour un petit serveur de PME. Mais si j'ai vu cette semaine, si j'ai bien vu là, les benchmarks du Mac Mini, là, torche mon MacBook Pro. Ah oui? Oui, mais d'aplomb, mais de beaucoup. Là. OK. Fait que je sais pas, c'est peut-être à cause de du Ivy Bridge, puisque moi, que je n'ai pas. Fait que, c'est sûr que le changement de génération là, au niveau de l'ordinateur a vraiment amélioré les choses. Mais les gens qui ont le Ivy Bridge... Je pense qu'avant aussi, il n'y avait pas le 4 coeurs. Puis le maintenant. Mais en tout cas, je sais qu'il l'a maintenant, mais je pense pas qu'il l'avait avant aussi. C'est-tu le 4 coeurs qu'il y a dans le Mac Mini, par exemple? Oui, il y a du 4 coeurs dans le Mac Mini. Mais okay. Je ne sais pas si dans l'ancienne version, je pense pas qu'il l'avait dans l'ancienne version. Mais c'est du 4 coeurs, puis c'est hyper-threadé. Hein, fait que, à un moment donné... La version de base à 599, c'est un dual-core. OK. C'est la version 799 qui est plus quad-core. Ouais, c'est quand t'es core i7, là. Oui. C'est quand tu tombes sur le core i7. Je pense qu'on est en train de... On nous déménage. Je pense que oui. Le moteur du camion vient de partir. Je pense qu'on s'en va. Ils ont décidé d'aller à Laval, je pense. Juste pour savoir, la génératrice, est-tu encore dehors? Oui, la génératrice est encore dehors. On l'entend grogner. Sinon, elle est en train, en fait, à nous tirer. La moitié? La moitié de la... Bon, ben, on est à la moitié du podcast possible. Mais on n'a pas... On peut pas envoyer quelqu'un, là, siphonner... On va siphonner ton char. On est en train de nous pousser à l'extérieur de notre podcast. Les gars veulent installer la TV et la Xbox pour jouer. Parce qu'après le show, vous autres, vous allez jouer à un jeu. On joue à Assassin's Creed de Ubisoft après le jeu. Il y en a d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui sont en train de nous écouter, qui sont allés à la sortie du Assassin's Creed cette semaine. Là. C'était le lancement... Ouais. Que Ubisoft faisait. On aurait bien voulu y aller, mais on ne savait pas comment demander à Ubisoft de nous inviter. T'sais, En fait, on leur a écrit, on leur a dit, hey, voulez-vous nous inviter? En fait, on n'est pas sur Mac, de quoi tu veux parler? Tu sais, ouais, il est habillé en blanc, un Mac aussi. Je sais pas. C'est un assassin. On trouve qu'Apple, ça tue comme on Mac. On connaît Frank the Tank puis Ben the Man. Ouais, c'est ça. On connaît Frank the Tank puis Ben the Man. On peut-tu rentrer? Puis non, rien n'y fit. On est resté à l'extérieur. On va poursuivre les questions si vous le voulez bien. Oui. Il y a Yves qui demande, est-ce qu'il existe un moyen de faire jouer les sites en Flash Player? J'imagine qu'on parle de iOS, tout ça. C'est une question qui revient souvent dans nos diffusions. Officiellement, Adobe a abandonné Flash au niveau iOS, mais aussi au niveau d'Android. Donc, présentement, sur les plateformes mobiles, à l'exception peut-être de la nouvelle Surface, parce que c'est Windows 8 à l'intérieur, mais de toute façon, Flash, c'est une technologie qui est en perte de croissance, en train de mourir. Oui. C'est ça, exactement. Donc, tant que HTML5 ne pourra pas faire du streaming ou des trucs comme ça, disons que ça vivote, mais des sites en Flash, il y en a de moins en moins. Ce qui reste beaucoup, c'est des bannières de publicité qui demeurent ou des applications comme Spreecast, où est-ce qu'on est présentement, des applications qui ont des webcams ou de l'audio vidéo. Va encore fonctionner un peu avec Flash. Donc, ça dépend des applications. Généralement, les gens qui veulent encore avoir des sites en Flash au niveau des tablettes ou du iPhone, c'est pour jouer à des jeux, des sites de jeux. Pour ça, il y a un browser qui existe sur iOS, c'est Swifter, et vous pouvez le télécharger, mais je vous avertis, ça va fonctionner, mais ça va être très lent. En fait, donc, vous comprenez pourquoi Apple, en installant Swifter, vous allez comprendre pourquoi Apple a décidé de ne pas mettre Flash dans son téléphone puis dans son système d'exploitation mobile. C'est pas utilisable. C'est un proof of concept. L'image va apparaître, vous allez avoir 4, 5, 6 frames secondes, puis ça ne sera pas utilisable. Donc, c'est pas intéressant à utiliser. Donc, si même sur Android, même si Adobe a complètement abandonné, c'est parce qu'ils ont jeté la serviette puis il n'y a absolument rien à faire avec ça sur mobile. Ça sera plus possible de le faire. Autre question pour... Ça, on s'en va dans les nouvelles parce qu'il en reste encore. OK. On va passer les questions rapidement, puis après ça, on va aller aux nouvelles. Ouais. Donc, Mathieu, lorsqu'on vend un iPad ou iPhone, quelle est la meilleure chose à faire pour être certain qu'il est bien wipé? Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il est bien remis à zéro, donc bien formaté. Il y a des façons de faire, il y a des recettes qu'on peut trouver là, sur Internet pour nous guider un peu là-dessus. Je ne sais pas, Alexis, et toi, est-ce que tu as... La première chose à faire, en fait, la première chose à faire serait probablement de lancer un wipe par l'application Find My Phone. C'est une application qui est faite pour ça, pour être sûr de bien effacer le téléphone. Donc, ça serait la première chose si on a peur au niveau de ces données. Sinon, en fait, une simple restauration du système via iTunes devrait effacer l'entièreté de vos données. Une chose qu'il faut être sûr de faire aussi, c'est de désactiver le iCloud, le Find My Friend, le Find My Phone avant de wiper le téléphone. Parce que on s'en est rendu compte, ou en tout cas, du côté des appareils iOS, je ne sais pas, mais je sais que du côté des ordinateurs, si vous ne le faites pas, l'appareil reste relié à votre compte iCloud, à votre compte Find My Phone. Et vous êtes en mesure, même si l'ordinateur a été complètement réinstallé, de wiper l'ordinateur à distance, même si c'est plus votre nom iCloud qui est dedans. Alexis, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. J'ai fait l'expérience, puis j'ai essayé, je voulais faire une parenthèse après, mais j'ai réinstallé avec le nouveau nom à ma mère, puis depuis ce temps-là, ça m'apparaît déconnecté tout le temps. Il n'y a plus aucune façon de le retrouver. OK. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est venu puis qui m'a fait un rapport puis qui m'a dit « Écoute, le gars à qui j'ai vendu l'ordinateur m'a téléphoné pour me dire « T'as wipé mon ordinateur, mais bon, maintenant, effectivement, je l'ai pas. Toi, tu l'as essayé? » Ah, je l'ai essayé plusieurs fois, okay. Puis non, ça fonctionne pas du tout. OK. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Oui, c'est vrai. » Il a vendu son iMac 27 pouces. Je pense que c'est lui, en fait, qui était venu sur Twitter. Oui, c'est ça, sur Twitter, me voir. Peut-être aussi que le gars t'a appelé puis qu'il t'a fait une farce, là. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que justement, ça se fait ça. Puis même en contactant le support Apple, ils m'ont dit que si tu nettoyais au complet le disque dur, ça, tu pouvais pas le retrouver. En fait, c'était pas comme une fonction. Ce qu'Apple, ils veulent pas annoncer ça comme une fonction pour retrouver si volé. Juste, ouais. t'as besoin de le retrouver. Tu peux mettre tu un bip sonore. D'un crack du... Tu peux mettre un bip sonore, c'est ça. Ou sinon, tu peux l'effacer si jamais tu le retrouves pas pour être sûr que quelqu'un ne voit pas tes informations. Tu peux l'effacer à distance. Mais ils le font pas comme un vol. D'ailleurs, ils n'ont jamais accepté de faire une banque de données. Si tu appelles pour te dire que tu t'es fait voler ton Mac, de noter la personne, qui l'a volé pour. Je sais pas moi, si quelqu'un appelle disant qu'il y a un problème avec le Mac, puis c'est le même, de noter puis de retrouver la personne. Donc, Apple n'a jamais voulu noter ça. Mais je sais pas, peut-être que c'était pas un. Effacer complet le disque dur parce que j'ai effacé le disque dur, puis depuis ce temps-là, ça fonctionne très bien. Puis aussi, faire un factory reset. Ça, c'est déjà en partant aussi une bonne chose là, à faire. Donc, un reset. Sur iTunes, tu veux dire? Comment? Ah, OK, à travers la réinitialisation complète là, dans Général, réinitialisation. Il y a aussi, tu peux le faire avec une combinaison de touches là, sur iPhone ou iPad. Tu peux le faire aussi de cette façon-là. Ah oui? Un wipe, oui. Il faudrait que je le retrouve. Là, je peux essayer de trouver la recette, mais j'avais déjà trouvé ça. Une petite recette sur Internet. Je vais faire la recherche. Puis pendant que tu... Jeff, tu voulais dire... Êtes-vous en train de parler de Find My Phone l'ordinateur? Oui. Oui, là, quand j'ai vendu mon MacBook blanc, là, je l'ai formaté. J'ai effacé le disque dur complet, là. Mais même pas avec la partition de qui est déjà installée de secours, là. OK. Mon MacBook blanc, il est encore là. Puis il est détecté? Oui. OK. En tout cas, bon. Ben, Vincent a fait le test, puis il semblerait que j'ai juste que à baiser non, là, mais... sur un bouton, puis je peux wiper l'ordinateur du gars. Fais-les live. Ah oui, filme-les. On va regarder si ça se fait. On va attendre l'appel du gars qui l'a vendu. Il faut que l'ordinateur soit en ligne. S'il n'est pas en ligne, ça ne marche pas. On va tester. Bon, ben là, s'il n'est pas en ligne, c'est parce que c'est normal, ça. Non, mais je le vois quand même, là, quand il est en ligne. J'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a un commanditaire qu'on a oublié, en fait. C'est ma conjointe. Qui vous prête Alexis, en fait, pour toute la période du podcast. Ah, okay. J'aimerais la remercier. Elle est en ligne, elle nous écoute. Donc, salut chérie. Merci beaucoup pour ton prêt de moi à la communauté. OK, puis t'as pas de payer de gardienne ce soir, cette fois-ci? Non, en fait, on a laissé les enfants du monde qu'on connaît. D'où le commanditaire. Oui, c'est ça. OK. En fait, c'est parce qu'ils sont pas revenus. Ils sont partis hier soir à l'Halloween, puis ils sont comme pas revenus encore, fait que... Ils se sont trouvés une place à quelque part. Peut-être le camion U-Haul, c'est aussi pour stocker les bonbons qu'on aura ramassés hier soir. Ça fait 24 heures qu'ils font l'Halloween, eux autres. Bon, dernière question avant de passer aux nouvelles de Steven Bélanger. Pourquoi Apple n'a toujours pas mis d'étui pour les nouveaux iPod Touch en ligne sur son Apple Store? Parce que... Autre question? Non. Je ne savais pas qu'il n'y en avait pas mis. N'avait même pas au lancement quand on était pour l'iPhone 5. Pour l'iPhone 5, il n'y en avait pas, effectivement. Mais souvent, en fait, les boutiques comme le magasin du futur puis le magasin d'acheter le mieux, ils vont en avoir en stock. Mais l'Apple Store, effectivement, en avait pas. Le magasin Apple Store n'en avait pas au lancement du iPhone 5. Donc, c'est peut-être pour les mêmes raisons. Mais normalement, il y en avait comme 5-10 jours plus tard. Donc, il devrait en avoir reçu pour le iPod Touch. L'autre chose à savoir, c'est que Apple n'aime pas beaucoup ça, avoir des housses nécessairement sur son truc. Sur son téléphone, on comprend qu'il faut le protéger, mais le iPod Touch est vraiment très, très léger. Puis le fini en arrière, il est vraiment très, très solide. Ouais. C'est sûr que c'est on pas l'a... à garrocher à terre, mais... On l'a vu tantôt, l'iPod Touch. Oui, il y a quelqu'un qui en avait. Quelqu'un très qui beau, mais un... vraiment mince. Ah, il est effrayant. Incroyablement mince. Comment il est léger et mince, hein? C'est fou. Ouais. C'est l'enfer. C'est... Puis j'ai comme l'impression, en fait, que le look and feel qu'on a du iPod Touch va... Hey, on est en train de bientôt... Wow! Non, tu peux pas tourner la caméra au complet. On a un lunch qu'on a gardé pour un des gars qui venait nous rejoindre et on est en train de le faire chauffer. Sur les lampes! Je sais pas si ça va marcher, là, mais on va ça va prendre du temps. On est en train de faire chauffer le poulet. Moi, d'après moi, tu vas te payer un e-colis, mon gars, là-dessus. C'est du poulet. Ah, c'est ça, c'est de la salmonelle. Mais si on va juste passer au feu, passer le camion au feu que tu t'as emprunté pour une soirée. Ouais. C'est de l'aluminium. Il est assuré tout, c'est correct. OK. Et si on va passer aux nouvelles, Vincent, c'est toi qui s'en occupe? Oui. Prochaine nouvelle, 10. Point, bon, on en a pas, on l'a-tu parlé, 10.8.3 qui est en bêta? Ah, non. Non, on l'a pas parlé, non. Donc, c'est en bêta. C'est une nouveauté. Wow. C'est pas moi qui ai mis la nouvelle, fait que 10.8.3 est en bêta. Je vais élaborer un peu. 10.8.3 n'est pas sorti encore présentement dans le centre de développement parce qu'Apple envoie tout le temps un peu avant qu'il sorte en bêta, envoie okay. tout le temps un email aux développeurs, à certains développeurs, que ah, tu peux le télécharger si tu veux avant. OK, quelques développeurs ouais, choisis. Avant que tous les développeurs le téléchargent. Et qu'on a vu passer cette semaine, à chaque fois qu'il y a une version bêta d'une nouvelle d'un point. Quelques chiffres du macOS. Fait que ça a passé cette semaine. Fait que normalement, tout le monde devrait y avoir accès. Mais ça, la semaine prochaine. Ça, JF, c'est parce qu'il y a comme une. Puis c'est vrai, là, je n'y sais pas, mais il y a une espèce de liste d'invités puis de personnes spéciales qui, en fait, est invitée par rapport au départ. Puis ces personnes-là peuvent inviter certaines personnes à utiliser. Je me rappelle pas c'est quoi le site internet là, mais je sais que c'est très privilégié, puis tu peux avoir accès justement une journée ou deux avant tout le monde la bêta pour l'essayer ou pour les courriels justement, c'est probablement ces personnes-là qui le reçoivent là. Mais il y a un lien spécifique sur le site que j'ai oublié, mais justement ces personnes-là sont invitées, donc tu peux pas comme t'inscrire puis devenir, il faut que tu sois invité par rapport au préalable pour pouvoir participer. Fait que c'est une espèce de développeur à developer.apple.com, mais fait pour justement ces personnes invitées. Ah, bon. Ça ne me dérange pas. Là. Je veux dire, je pense pas qu'on va se faire inviter. Ben, Apple, s'il écoute... Ça sent bien. Ça sent bien, là. Exactement. Il y a aussi... ça, on peut pas en parler trop, parce que c'est comme privé, ça, les versions bêta d'Apple. La même chose que 10.8.3, là. Ouais, c'est ça. Fait que il y a iOS 6.1 qui est sorti aujourd'hui. J'ai checké un peu le release note pendant tantôt, un petit peu plus tôt. Ils vont changer beaucoup de choses dans le framework de Maps. Ils ont vraiment mis beaucoup de choses. Je suis pas programmeur. Il faudrait que Vincent vérifie pour plus nous en parler. Ouais, mais pas que de faire des commentaires sur une bêta. Non, c'est ça que je dis. Mais juste pour dire qu'ils ont vraiment amélioré la version Maps dans la version 6.1 que je roule présentement. Fait que ça va être à tester. On va pouvoir vous en parler un peu plus tard. Pour les gens qui étaient à New York et qui voulaient attendre pour le iPad mini, j'ai une super suggestion. Nous autres, on est dans un camion parce qu'évidemment, on n'est pas dans la flotte. Mais il y a un nouveau yak qui est sorti cette semaine. C'est le yak de Steve Jobs, en fait. C'est un projet que Steve Jobs avait avec le designer Starks. Et c'est un projet, en fait, que la femme de Steve a prolongé, a décidé de terminer. Parce qu'en plein milieu de la construction d'un yak de combien? 100 millions, je pense, quelque chose comme ça. Là. C'est une affaire de fou. Il mesure, attends une seconde, entre 70 et 80 mètres de long. La cabine de pilotage, ce n'est que des iMac 27 pouces. Donc, il n'y a pas... on l'a ici, regarde, tu peux l'avoir en photo. Je sais pas si je peux rapidement la montrer. C'est copier-coller le lien du lien vers l'image dans... Screen Q à droite en bas. Là. OK, bouge pas une seconde, je vais t'envoyer ça. Donc, ça s'en vient. Donc, ça ici. Bon. Copie, image, adresse. On s'en va là. Non, là. Screen Q ici. Submit. Puis comment on l'a fait apparaître? Bring question on air ou quelque chose comme ça. Ou ouais, submit peut-être. Je l'ai soumis. OK, je la vois. Add to screen. Voilà. Donc, on voit en ce moment, en fait, c'est la cabine de pilotage du bateau. Les bancs ont vraiment pas l'air confortables, mais je pense que ces gars-là sont toujours debout. Faut pas qu'ils s'assoient. Ça donne comme envie de s'endormir. Oui, c'est juste pour s'accoter comme une barre dans le métro. Puis on le voit, là, c'est, je pense qu'il y a, et on les voit pas tous, mais je pense qu'il y a 7 iMac 27 pouces pour contrôler le bateau. Honnête, ils ont voulu représenter en fait le look and feel d'un Apple Store. C'est pas super beau. Hein. Non, c'est pas super beau. Mmh. Je trouve ça un peu cheap. J'ai l'impression que j'irais pas en grand-mère avec ce bateau-là, moi. Ouais. C'est slick, mais je sais pas, moi, pour un bateau, j'aimerais mieux que ce soit... Les meubles gris, c'est bizarre. Oui, ça a l'air en mélamine. Les meubles ont l'air en mélamine, un peu cheap. Ouais, c'est ça, mais... Ouais, mais... Ouais. On n'entend pas vraiment... Non, c'est ça. Tu parles dans le vide, Alexis. Ouais, excusez-moi. Mais, okay. Ouais, c'est vrai que c'est pas super, mais bon... C'est peut-être parce que Steve Jobs n'était pas encore rendu là dans ce... Jobs n'aurait jamais laissé sortir. Il n'aurait jamais laissé partir. Non, jamais. C'est parce que Jonathan Ive n'a pas encore été dans le bateau. Il va aller finir ça. Il va finir la job. Là, il va être plus occupé. D'autres nouvelles, là, on était rendu à... Oui, il y a d'autres nouvelles. Moi, j'aimerais parler de quelque chose. Aujourd'hui, je suis allé faire un tour. C'était le Head Camp à l'école Wilfred Bastien de Saint-Léonard. Et on est allé faire un tour pour Mac Québec là-bas, moi puis Alexandre. On est arrivé un petit peu tard. On a essayé d'aller rencontrer M. Pierre Poulin, qui était là-bas. Par contre, il y avait un cours à donner à Ottawa, donc il est parti très, très rapidement. Par contre, on a pu rencontrer quelques personnes vraiment intéressantes puis voir des présentations vraiment chouettes là-bas. Dans les prochaines semaines, il va peut-être avoir justement du nouveau sur Mac Québec à cause de ça. Entre autres, en fait, un des enseignants qu'on a rencontré là-bas qui nous a dit utiliser une fonctionnalité à peu près inutilisée de iOS. Donc, je ne veux pas en dire plus nécessairement, parce que ça va être comme une surprise, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis, on a une entrevue d'ailleurs avec ce monsieur qui s'appelle, que vous pouvez trouver sur Twitter, qui s'appelle Prof en Histoire. Donc, P-R-O-F-E-N Histoire, H-I-S-T-O-I-R-E. Donc, vous pouvez peut-être aller suivre ce monsieur qui est fort intéressant. Il faut aller suivre aussi M. P. Poulin, qui est l'instigateur du projet E-Class ou iClass. Je suis allé dans une école, en fait, aujourd'hui, où est-ce que j'aurais voulu aller passer mon secondaire. Dans une classe, il y avait des iMac, il y avait des PowerMac. En fait, bon, ils n'ont pas tant d'argent que ça, fait que c'était des PowerMac G4. Il y avait quelques ordinateurs Intel. Il y avait comme des maquettes du Faucon Millennium, des têtes de C3PO, puis des étoiles de la mort. My God. Sérieusement, j'aurais vraiment voulu être là-dedans. Oui, on a pris quelques photos là-bas. Les cases des étudiants, ils se sont comme mis en montage photo. Il y avait un dude sur sa case. C'était comme lui, mais dans Naruto. C'était super cute. Sur une des classes, tu pouvais scanner un QR code. Il y avait comme un QR code dans la fenêtre. Je sais, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais on voulait voir qu'est-ce que ça donnait. Écoute, c'était vraiment quelque chose de trippant. Et on voyait, en fait, parce que c'était le Head Camp, il y avait plein d'enseignants de partout au Québec. Puis c'était tous des gens qui étaient vraiment motivés. En fait, moi, ça m'a redonné comme espoir. Tu sais, on parle que l'éducation, ça patauge un peu. Mais les gens qui étaient là étaient vraiment trippants, vraiment intéressés par la technologie et à intéresser leurs étudiants par la technologie. C'était secondaire ou primaire? C'était secondaire. Mais en fait, nous, le gars qu'on a rencontré, la présentation, une des présentations qu'on a vues, ça s'appelait le WePad, okay. Sa présentation. Et ce que le gars est venu bien, bien honnêtement en avant, il a dit... Moi, ma vision de la patente, j'ai installé dans ma classe une Wii. Et c'est pour donner un 5-10 minutes de break à des enfants, parce qu'on le sait, ils sont médicamentés de plus en plus. Puis ils sont un peu veg sur leur chaise, mais il y en a qui ont besoin de bouger. Et le 15 minutes de récréation qu'on leur donne à tous les deux heures, c'est pas assez pour certains élèves. Il y en a qui ont besoin de dépenser leur énergie, puis le système scolaire n'est pas nécessairement fait pour ça. Fait que lui, il a comme essayé de voir comment je pourrais juste un peu agrandir la possibilité pour ces élèves-là d'aller se dépenser. Il s'est dit, tiens, si j'installais une Wii dans la classe, il nous a dit bien honnêtement qu'à date, il ne l'avait pas super bien utilisé dans sa vision de la patente. Il l'avait plus utilisé comme une récompense à une bonne action ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment dire, bon, ben regarde, là, tu as clairement besoin d'aller comme te dépenser. va-t'en à la Wii, va jouer une game de tennis, va tirer va jouer au bowling, puis tu reviendras quand tu seras un peu calmé. Fait que je trouvais que c'était vraiment comme une ouverture intéressante. Bon, c'est sûr que ça sort un petit peu du cadre de Apple. Ils nous ont aussi parlé qu'il y avait quatre iPads en classe. Fait que là, ben, faut manager avec quatre iPads sur une classe de 18, là. Tu sais, trouve comment les utiliser. Tu peux pas les donner à tout le monde en même temps. Puis, il nous a fait découvrir un paquet de nouvelles applications vraiment intéressantes. Fait que, puis je pense qu'il y a une petite collaboration là, qui va sortir ça. Est-ce qu'ils utilisent l'Apple TV pour montrer les choses? Ils en ont toute la gang. Ils fonctionnent tous. Les tableaux blancs interactifs, là, dans les classes de gens qui sont connectés, ça m'a semblé être, tu sais, un outil parmi tant d'autres qu'ils utilisaient, mais ils sont pratiquement... En fait, ceux qui étaient là avaient l'air pratiquement tous équipés avec des iPads, du AirPlay avec le Apple TV. Puis c'est ce qu'on a vu quand on est venu il y a deux semaines. Quand je suis venu il y a deux semaines voir la présentation qu'ils ont faite au Apple Store ici, les kids qui étaient en arrière du comptoir... puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai rencontré un petit garçon qui était là, qui m'a reconnu. J'étais comme super content. T'sais. Il est venu me voir, il dit « Hey, t'étais-tu au Apple Store? T'es de Mac Québec? » Je fais comme « Ouais, ouais. » Tu fais ça un autographe? Non, non. Je suis en sac. Là, je voulais juste. Tu t'es vu, c'est toi. Non, non, j'ai pas demandé s'il voulait un autographe pour vrai. J'ai comme, hey, c'est super chouette. Puis je suis là pour poser des questions. Fait que tu veux-tu faire une entrevue tout à l'heure? On n'a pas eu le temps. Il a fallu qu'il s'en aille, mais on va probablement en faire une avec lui qui est dans le high class, qui peigne là-dedans. On va probablement en faire une en FaceTime avec lui éventuellement, puis présenter ça dans le cadre du podcast. Mais est-ce ça que les, super les, intéressant. Les élèves, plutôt pour les enfants, là, sur le secondaire, sont-tu attentionnés avec leurs cours tellement qu'ils ont de la technologie dans leurs mains? Sont-tu, mon Dieu, est-ce que je vais apprendre plus? C'est un outil. Puis, en fait, j'ai posé la question un petit peu autrement à Stephen Smith. J'ai demandé si lui avait le sentiment qu'il avait réussi à aller chercher du monde qui, avec le système scolaire qu'on avait, là, papier, crayon, cours magistral, là, t'sais, il faut que ça évolue. Mm-hmm. C'est ça qu'on avait dans notre temps. Là, t'sais, si la techno évolue, ce qu'il nous disait, en fait, Stephen Smith nous a dit quelque chose de bien intéressant. Ils sont en train de gagner la bataille pour arrêter de bloquer des sites web. Là. Ah ouais? Puis moi, c'est ce que je répétais, c'est-à-dire que le Facebook... Il est bloqué un peu partout, mais c'est en train d'être débloqué tranquillement. Entre autres, à leur école, le Facebook est débloqué. Et il l'est parce que c'est là-dessus que les élèves veulent écrire. Tu veux leur apprendre à écrire? Pourquoi tu les bloques de la seule place où est-ce qu'ils veulent aller écrire en prétendant que parce qu'ils sont sur Facebook, ils vont écrire tout croche? Non, non, ils veulent écrire. Amène-les sur Facebook. Fallait écrire comme du monde. La deuxième bataille qu'ils ont à faire, c'est de donner la possibilité d'amener... tu sais, en industrie, on en parle, la tendance, c'est « bring your own device ouais. ». Donc, amène tes propres cossins. Puis, c'est sûr que ça peut être un petit peu difficile puis ça demande un apprentissage pour un enseignant qui n'est pas technocentrique. Mais ces enseignants-là l'étaient. Puis, ils disaient « amène-les ton Android, amène-les ton si, on va trouver un terrain où est-ce qu'on peut quand même te diffuser de l'information puis où est-ce que, d'une façon ou d'une autre, tu vas pouvoir l'utiliser, ton device. On a besoin de les intéresser avec des trucs comme ça. C'est un, tu sais, on parle du décrochage scolaire puis tout ça, là. Je veux dire, retourne-moi à l'école comme je l'étais dans le temps. En 2012, je veux me tirer une balle. J'ai mon iPhone à la maison, j'ai de la techno qui fait de la diffusion. On essaie de m'apprendre à lire pour des affaires... Comme... Ça, c'est dans des classes spéciales parce que le trois quarts des classes, même plus au Québec, c'est pas comme ça. C'est encore les tableaux noirs. Ou il y en a qui ont des tableaux blancs là, maintenant, mais... Oui, mais on me disait que les tableaux blancs, malgré ce que le gouvernement voulait faire, il n'y en a pas partout, tu sais. Je parle des tableaux blancs plus le marqueur là, au lieu de la crête. OK. Mais les tableaux blancs interactifs à mettre dans une classe, c'est cher. Une TV 46 pouces, c'est rendu en bas de 1000 piastres. C'est 100 piastres pour l'Apple TV. Puis là, les étudiants qui arrivent tous avec... Parce qu'on ne va pas se leurrer, 75% de la classe... C'est sûr qu'on va me sortir les chiffres en milieu défavorisé, mais dans des écoles standards, là, dans des milieux pas nécessairement défavorisés, là, il y en a. 50% de la classe, là, son iPod ou son cossin Android ou quoi que ce soit, fait qu'ils pourraient l'utiliser. Fait que bring your own device, ça serait... Ça, c'est le deuxième chemin qu'eux autres veulent faire. Fait qu'il y a bien, bien du foisonnement. Puis moi, quand j'étais allé au salon de la Coop la dernière fois, j'avais été comme... On me présentait des trucs, puis j'étais là, mais... Vous n'êtes pas dedans, là. C'est... c'est pas tête votre affaire. Si on me présentait des tablettes fermées qui étaient ni Android, ni Apple, ni quoi que ce soit, là, c'était comme une tablette. C'était fait assez cheap. Ouais, c'est ça. Tu t'en souviens de la tablette? Oh, là, je me souviens plus. À côté du kiosque de Calista, là, c'était comme... Oh! Puis eux autres, là, leur seul but, c'était d'aller chercher le morceau de subvention qui était donné aux enfants à problème, qui pouvait pas être dépensé sur un iPod ou un iPad. C'est comme, garde, là, si tu essaies d'utiliser une gimmick bureaucratique pour vendre ton cossin, je suis pas sûr que ta business va durer longtemps. J'étais comme vraiment pas impressionné. Puis le gars nous a trouvé un paquet d'applications là, écœurantes, entre autres une qui s'appelle Lecture. Okay? Fait que tu prends un texte que tu as écrit dans Page, tu l'envoies dans Lecture, tu donnes ça à l'étudiant. L'étudiant doit lire le texte en suivant avec son doigt. Et quand il fait ça, il y a un enregistrement qui est fait. Cet enregistrement-là est exportable dans à peu près n'importe quel type de format et envoyable à l'enseignant. L'enseignant, il peut se taper la lecture que l'étudiant a faite, mais il voit que l'étudiant le dit, son texte, et en même temps, il voit où est-ce que le doigt de l'étudiant est rendu. Fait que l'étudiant, techniquement, il est en train de suivre le texte qu'il lit, mais si, mettons, il y a des gros problèmes au niveau de la lecture, ça ne rentre pas, il est dyslexique ou quoi que ce soit, bien, il va l'entendre, le professeur. Il nous a aussi donné un exemple pour une syllabe, là, A-Y, une chanson, je ne sais pas quoi, puis il disait, bien, on l'a vu dans un autre texte, puis je voulais juste voir si l'élève l'avait assimilé à ce moment-là. Il nous a présenté des élèves de deuxième secondaire, deuxième année primaire. Le gars, il lisait là, plus vite que plein de monde que je connais qui ont notre âge, en deuxième année, puis le gars avait reçu une éducation spécialisée de quelque chose l'année d'avant ou je sais pas quoi, puis il était probablement plus loin dans son apprentissage que deuxième année. Puis le gars, il utilisait l'iPad pour y en donner plus, puis il disait, ah ouais, vas-y, apprends en plus. Il nous a montré un paquet d'affaires vraiment écœurantes au niveau de la pédagogie. C'était vraiment trippant d'aller là. Monsieur, on va peut-être interrompre la conversation là-dessus parce qu'on va peut-être plutôt retourner à l'événement actuel du iPad mini, la ligne. Pas que c'est pas intéressant, mais je pense qu'on devrait faire un petit spécial peut-être là-dessus. Oui, c'est clair. Petit iPod, iPad, bon, les produits Apple au niveau l'éducation, quoique j'en connais beaucoup de choses, là, c'est comme j'en travaille là-dedans pas mal. Mais c'est pas grave, on va revenir, mais on a des questions qui sont... J'aimerais avant faire la parenthèse sur Xcode. Qui est sorti aujourd'hui. Ouais, ah, OK. En fait, on allait sortir la nouvelle comme Xcode 4.5.2 qui est en pre-release, qui est en release. Mais Xcode, je sais pas si c'est 4.2, là, je suis en train de chercher rapidement. C'est 4.5.2 qui est sorti aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ça, okay, c'est bon. Le pre-release. Le 4.5, c'est pour les développeurs. Le 4.5.2 est sorti pour tout le monde. Ah, OK. Oui, c'est ça, sur le Mac App Store aujourd'hui, mais on allait l'annoncer comme un release là, très bientôt, vu que c'était encore en développement hier. Les nouveautés supportent le iPad mini, entre autres, là, évidemment, pour les applications. Donc, les développeurs, sans problème, vont pouvoir le travailler. De toute façon, quand tu es développeur, tu l'as d'avance, donc tu peux travailler dessus. Des nouvelles choses pour 10.8, donc pour ceux qui développent sur Mountain Lion, vous allez pouvoir acheter d'autres choses. Puis aussi, ce qui est pratique, c'est les espèces de contraintes qui sont ajoutées. Quand vous êtes sur iOS 5, puis vous l'allez sur iOS 6, ce qui a été rajouté, c'est des espèces de contraintes où vous pouvez, par exemple, dire, mets une icône, mais cette icône-là, quand l'écran devient 4 pouces, bien, de garder toujours à 20 pixels du bas de l'écran. Donc, tu peux mettre des contraintes comme ça. Ce qui fait que si, par exemple, tu as une application, tu peux la mettre à jour pour l'iPhone 5 en gardant justement un écran plus grand, par exemple, pour voir une page web. Donc, tu peux y demander, reste collé sur les pixels en bas de l'écran. Donc, ça va grandir automatiquement. C'est des contraintes qu'ils ont rajoutées. Puis, ils le rajoutent aussi pour OS X. Donc, peut-être on va voir justement des écrans beaucoup plus grands là, dans le futur, là, beaucoup plus facile avec ça, justement, ces contraintes-là qui ont été ajoutées. À part ça, il y a des améliorations pour le MacBook Pro Retina, probablement le 13 pouces. C'est pas dit, mais j'imagine que oui. Puis des bugs qui ont été arrangés, là, notamment. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus complexes, là, que dans des propriétés d'Objective-C que j'irais peut-être pas jusqu'à là, mais il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans le 4.5.2. Excellent. Donc, on passe avec une autre question, peut-être? Une question de John. John, il y a deux questions, en fait. On va répondre à la première, puis l'autre est en lien avec la première question. Donc, l'iPad 3, est-ce qu'il est encore un bon iPad? C'est un appareil Bernard. Puis le deuxième point, est-ce que c'est un bon choix dans l'usager? Je rajoute la deuxième question tout de suite parce que j'imagine que ça a un rapport, qu'on veut peut-être faire l'achat d'un iPad 3. Il y a des gens qui ont un iPad 3 présentement qui veulent peut-être se procurer le nouveau. Mais s'il y a des gens qui seraient intéressés à acheter l'iPad 3, est-ce que c'est un bon appareil à se procurer? L'iPad 3, c'est juste un iPad de 7 mois. Là. Oui. La seule chose qui change, c'est le côté graphique. Mais les jeux, là, parce que l'affaire, ce que le monde dit, ça ne changera pas grand-chose que vous achetez un 3 là ou que vous achetez le 4. Là. Y a pas l'application n'ira pas plus vite. Là. Mais la seule affaire que tu me dis, par exemple, ça a l'air que le Retina sur l'iPad 3 rush avec la puce. C'est ça. Quand tu joues à des jeux avec la A5X sur donc un iPad, un nouveau iPad. iPad 3. Donc, quand tu joues à des jeux à cause du Retina et la puce qui est capable de fournir le Retina, mais capable de fournir le Retina en plus de fournir toute faire le 3D, il y a vraiment de la difficulté. Maintenant, les gens semblent réagir quand Apple sort un nouveau produit comme si... Moi, j'ai vu plein de monde dire ça. Ils viennent de rendre obsolète le iPad 3. Hey, attends une minute. Le seul iPad qui est peut-être un peu obsolète, c'est l'iPad 1. Là. Ouais. Apple vient pas de briser ou de lever une switch pour que le iPad 3 soit ralenti de 50%. Là. C'est complètement ridicule. Ouais. Ça dépend, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez faire avec le iPad. Donc, si c'est des applications qui sont pas nécessairement trop demandantes au iPad, pas de 3D, pas de jeux vidéo. Moi, honnêtement, tu sais, il y a des applications de montage vidéo sur l'iPad. Moi, j'en ferais pas de montage vidéo sur l'iPad. J'aime mieux fonctionner avec une souris, clavier, tout le kit. Fait que s'il n'y a pas ça à faire, l'iPad, là, le 3, c'est un super truc. Puis ça va vous permettre de le payer un peu moins cher. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Ouais, ouais. Puis, moi, j'en aurais un à vendre. Moi, tant qu'à parler. LTE, non, 32? Moi, ça, c'est mon iPhone. Moi, j'aurais mon iPad 3, 16 GB LTE à vendre. Je le ferais à 550. C'est un appareil que j'ai acheté il y a 7 mois à 600 quelques dollars plus taxes. Fait que 550, ça me paraît un prix honnête. C'est ça, mais puis vous avez jusqu'à demain matin pour venir le chercher. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut dire. Comme tu disais tantôt, le calcul du 7 mois que tu as, faut que tu mettes en jeu aussi la différence du prix que tu as payé. C'est là. Ça. L'iPad 4 il y a 7 mois. C'est là. Ça. Fait que la machine est encore très bonne. Là. C'est comme. C'est combien la différence de moins qu'ils ont mis entre le nouveau. Attends, il y en a deux qui veulent nous parler. Et, okay. Par contre, je te dirais qu'il faut faire aussi un lien avec... Quand le iPad 3 est sorti, le nouvel iPad est sorti, tout le monde se disait il réagit bien, mais l'écran est smooth. Puis je pense que c'est... Tu parlais un peu que la puce est très utilisée pour le Retina, puis je pense que ça doit être un des effets secondaires. Ils ont mis une espèce d'effet smooth pour justement parce que l'iPad pouvait pas réagir aussi rapidement tout le temps comme il voulait. Puis peut-être que là, justement, avec le iPad 4e génération, peut-être ça va être un peu moins smooth, ça va être un peu réactif là, dans ce cas-là. Là. Il va falloir l'essayer. Est-ce que c'est possible que l'iPad 3, le vrai qui devait sortir, c'est lui qu'on vient de voir, c'est le iPad 4 finalement, puis que le chip n'étaient pas prêts, puis qui ont dit, ben là, on n'a pas le choix, faut en sortir un, on va prendre un chip 5X, puis on va l'envoyer, mais on sait pertinemment que le vrai s'en vient, là, mais on n'est pas tout à fait prêt. Ça peut ressembler à ça. Moi, honnêtement, il y a un an, il y a deux ans, On disait qu'Apple avait des années d'avance sur la concurrence au niveau des tablettes. On disait la même chose du iPhone, puis que les compagnies... Tu sais, quand le Retina est sorti, là, ils ont dit « Oh, ça va prendre du temps aux compagnies avant de réagir, ouais. tout ça. » Ça a pris un an. Mais les tablettes, les téléphones qui sortent en ce moment commencent à avoir des écrans de type Retina. Parce que c'est juste un terme marketing, mais c'est un... Mais pas pour la tablette. Pour les téléphones, ils ont du Full HD. Il y en a qui ont du Full HD, là. Mais pour la tablette, il n'y a pas de tablette encore qui ont du... qui ont un écran Retina. Ben, l'écran Nexus 10 qui est sorti, elle a 326 ppi. C'est plus haut que l'iPad, là. Donc, l'écran a une meilleure densité de pixels. Mais c'est quoi la grandeur? C'est même plus grand, je pense. C'est 10 pouces. En fait, la résolution de la Nexus 10 est la même que l'écran du MacBook Pro Retina, 13 pouces. Okay. Donc, eux autres sont dans un écran de 10,1 pouces, puis ont la même densité de pixels et la même résolution qu'un écran de 13 pouces d'un appareil mobile de Apple. Fait que la concurrence est en train de rattraper, là. Moi, je vais encore dire que j'aime mieux un appareil construit par Apple. Je trouve ça plus solide, tout ça. Il n'y a personne qui va me faire croire que Android est aussi mature que iOS au niveau du système d'exploitation. Impossible. J'ai parlé aussi avec des enseignants aujourd'hui. Puis, il y en a qui étaient avec Android puis qui sont passés à iOS simplement parce que se sont fait dire que leur téléphone qu'ils venaient d'acheter il y a quelques mois ne serait jamais mis à jour avec le nouveau système d'exploitation. C'est frustrant, ça aussi. Je veux dire, on a des questions, nous autres, de gens qui nous disent « Hey, mon iPad 1 ne peut pas se mettre à jour à iOS 6. Je suis en tabarnak. » Ouais, mais tu sais, ton Galaxy S1 non plus ne se met pas à jour à 4.1. Là, ça marche pas, là. Fait que... ouais. Hey, je vais devoir vous quitter, moi, parce que là, il est rendu... je suis busté d'une heure, puis j'ai encore des devoirs à faire. Fais attention pour par devoir, tu veux dire application Québec mobile, feed RSS, puis forum. Forum. Pas le temps de niaiser. Ciao, bye. Coupe pas la salle au complet, là. Avant que tu partes, où est-ce qu'on peut te retrouver, Vincent, sur les internets? Sur une partie des internets, en tout cas. On peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller. Je reçois des questions de temps en temps, j'y réponds sans problème. Puis il y a un boost de personnes qui m'ont contacté pour développer des applications. Là, j'ai été surpris. 5-6 personnes qui m'ont contacté, une personne pour un site web aussi. Je peux pas fournir. Je pense que je vais m'engager quelqu'un à ce contrat moins cher. Un chinois, mais. Marc-Antoine, je sais pas si t'écoutes, si t'as de la job de libre. Là. Non, mais par mon site web vmiller.ca, si vous voulez me contacter, si vous avez un projet, je peux très bien vous conseiller là, gratuitement si vous voulez contacter une grande compagnie ou je sais pas trop. Y a pas de problème. Vous voulez dans quelle direction vous voulez aller, combien ça pourrait coûter, ces choses-là, j'y réponds sans problème. Si vous avez aussi des trucs de fin de semaine, là, où est-ce que vous ne trouvez pas de grandes compagnies ouvertes, là, puis vous avez besoin de faire signer des applications ou des trucs comme ça, là, Vincent est là. On trouve une support, gig comme ça. Si vous contactez Mac Québec rapidement, vous avez besoin d'un support, par exemple, pour entreprise, on a vu à 2-3 fois, là. Il n'y a pas de problème, fait que vous nous contactez, on fait un support très rapide dans ce cas-là. Quand votre questionnement commence par « Oh mon Dieu, nous sommes perdus! » puis que la seule réponse, c'est « Le seul homme qui peut nous aider, c'est Vincent Miller! » Ben, c'est ça. Ouais. Ben, à chaque fois, mais en même temps, contactez Mac Québec ou contactez-moi directement parce que si vous passez par Alexis, il prend 10%, fait que je suis un pauvre étudiant, fait que... D'ailleurs, il me doit encore 50$, là. J'attends toujours, Alexis. Oui, bien, j'attends que tu finisses le contrat pour enlever le 10% de ce 50$-là. Oui, mais je pense que ça se fera pas. Ah non? J'ai pas entendu de nouvelles, mais en tout cas, on verra ça hors d'onde. Damn it! Oui, exactement. OK, bon, bye-bye tout le monde. Bye. Salut. Avant de continuer, en fait, il y a quelqu'un qui nous a donné un sacré coup de main pour l'organisation de tout ça. C'est Jonathan Moreau, en fait, que j'aimerais remercier, qui s'est joint à l'équipe de Mac Québec, en fait, pour... il s'occupe de contacter les compagnies, l'acquisition des codes promo, de tout le matériel qu'on donne. Et cette semaine, en fait, quand il a vu qu'on était en train de préparer le show, il a décidé de donner un bon coup de main. En fait, il a à peu près single-handedly trouvé tout ce qu'on avait besoin. Table, chaise, la génératrice qu'on a à l'extérieur, le camion que, bon, finalement, on a eu gratuitement, mais on allait le louer. Fait que c'est Jonathan qui s'est occupé de ça. Donc, est-ce qu'on poursuit avec les questions? Oui. Salut, Patrick. Il s'en va se coucher. Patrick aussi. Patrick, on veut te remercier aussi pour ton don. Oh! C'est ce que je vois dans le dans notre pacing de show. Dans le Mac Québec thermomètre. Ben, merci beaucoup. Puis si vous voulez faire des dons, tout le monde, allez visiter notre page. Le bouton est normalement juste en bas ici, dans la page de diffusion. Fait qu'il y a un bouton PayPal que vous pouvez utiliser pour donner. Vous aussi, vous pouvez faire comme Patrick Ducharme et vous abonner au podcast Mac Québec. Tout ça avec le petit piton PayPal et votre carte de crédit. On va poursuivre maintenant avec d'autres questions. Parfait. Je suis nouveau dans le monde de la pomme et je veux savoir si les quantités du produit en lancement, s'ils ont mini ou ils ont en quantité pour tous. C'est des mini-quantités ou des grosses quantités? C'est un iPad mini. En fait, notre feeling à nous, c'est qu'il n'y aura pas de... La seule file qu'il y a ici, c'est nous autres qui l'a fait en venant en gang. D'après moi, d'ici 5 heures, 6 heures du matin, il n'y aura personne. Et contrairement, en fait, il y a une folie autour du iPhone quand le produit est mis en vente, mais c'est moins évident du côté des iPads. Le iPad 3, on était comme déçus de la ligne. Il y avait peut-être une trentaine, une quarantaine de personnes en ligne, gros maximum, et ça, pas longtemps avant la mise en vente. Donc, on pense que, écoute, pour être honnête, là, si tu te présentes à la première fin de semaine de vente dans un Apple Store, surtout dans celui de Sainte-Catherine, tu as de bonnes chances de trouver le produit disponible. L'iPhone 5, je pense que c'était comme le dimanche après la mise en vente du vendredi ou même lundi ou mardi suivant, il n'en restait plus. Puis il y a des fils qui ont commencé à se former parce qu'ils en recevaient en petite quantité. Mais je pense bien que si tu te présentes dans la journée, tu n'es pas obligé d'être malade mental, te mettre dehors, pogner la crève avec le fret qu'il fait. Tu viens te présenter relativement de bonne heure demain matin. Un peu comme un jeu vidéo, en fait. Tu sais, les journées de sortie, tu te présentes à 9-10 heures au magasin, tu risques d'en avoir un. Puis ça, on parle des iPads mini. Pour ce qui est des ordinateurs, en fait, ils ont des MacBook Pro 13 pouces en démonstration. Ils en ont probablement plein d'entrepôts. Exact. Puis il n'y a pas juste les Apple Store qui en ont, là. J'imagine. Non, c'est ça. Ben, évidemment, toi, tu as déjà fait l'achat justement d'un iPad dans un autre commerce. Ouais, le magasin du futur. Puis 8 heures demain matin, ils vont ouvrir aussi eux autres. Pas de problème. Non, je pense pas qu'il y aura une grande folie cette fois-ci. Non. Puis là, qu'est-ce qu'on a justement? On va rappeler aux gens, qu'est-ce qu'il y a en vente là, aujourd'hui? Là? Ben, c'est le iPad mini. Le iPad mini Wi-Fi uniquement, parce que le modèle avec le LTE sera mis en vente dans 2 semaines ou un peu plus, mais tout de même avant la période des fêtes. Donc, en fait, nous, on est vraiment craqués, puis il n'y a pas juste nous qui va le faire, mais il y a probablement des gens qui vont acheter la version Wi-Fi pour la retourner d'ici 14 jours à Apple, qui rembourse en fait les produits sans poser de questions. C'est la politique du magasin. Et ils vont venir chercher dans 2 semaines la version LTE. Donc, à ma connaissance, là, la seule tablette de, on va appeler ça, de milieu de grandeur qui a le LTE, parce que les autres qui ont été présentés cette semaine viennent avec du 3G. OK. Alors, on va passer à une autre question de Yves qui dit, moi, j'hésite avec iMac. Yves, c'est une personne qui est avec nous dans le chat et qui veut acheter du Mac maintenant, pour mettre le contexte. Moi, j'hésite avec le iMac. Je veux garder mon écran ViewSonic avec un adapteur VGA. En arrière d'un iMac, il y a une sortie, la Thunderbolt, qui sert aussi pour un autre display. Oui. Donc, on peut, même si on a déjà un bel écran avec le iMac, on peut rajouter un deuxième écran. Donc, sans problème, vous allez pouvoir utiliser votre ViewSonic avec un iMac, le branche suffit d'acheter l'adapteur, puis... Par contre, on va se dire les vraies affaires. Là. Un écran ViewSonic en VGA, là, c'est pas un écran qui est très, très récent. Puis d'après moi, mettre ça à côté d'un iMac, là, tu vas rapidement te rendre compte de la différence de qualité d'écran entre l'écran de ton iMac et l'écran de ViewSonic. Puis en fait, tu vas probablement prendre ton écran ViewSonic puis sacrer iTunes dessus. C'est à peu près tout ce que tu vas faire avec. Fait que pour l'espace que ça prend, c'est toi qui vois, là, mais c'est pas... ton écran ViewSonic accote pas l'écran du iMac, ça, c'est sûr. C'est sûr. À moins qu'il y ait une raison quelconque de l'utiliser, mais... Peut-être que c'est un écran qui se tourne sur le côté ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, ça peut être des fonctionnalités qui sont intéressantes parce que tu peux mettre une 8,5-14, des trucs comme ça. Tu peux mettre une 8,5-14 sur l'écran ou quoi que ce soit. Exact. On va passer à une autre question de Mathieu. La vitesse du Wi-Fi pour le mini-iPad est la même que l'iPad 4 ou le 4 est plus rapide? Non, la version du Wi-Fi dans le mini va être la même que le iPad 4. Ils ont mis les dual band des nouvelles puces Broadcom à l'intérieur. Alors, la vitesse va être la même. Ça va être vite de même, le Wi-Fi. C'est du combien du Wi-Fi? La vitesse du Wi-Fi pour le mini-iPad est la même iPad 4 ou les 4 plus... Est-ce que dans les deux... Oui, je pense que dans les deux, ils ont mis le Extended ou Expanded Wi-Fi. C'est pas la vitesse, je me souviens. C'est 450 mégabits? Ouais, non, c'est à cause des antennes. Ça doit être 150. Ouais. Ça ne doit pas être MIMO. Fait que ça doit être 150 mégabits. D'autres questions? Non, je n'ai plus de questions pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser soit dans la fenêtre de chat ou sous nos fenêtres de webcam. Vous voyez le bouton « Submit ». Question, vous pouvez poser votre question via ces deux fonctionnalités-là. On va les afficher et bien sûr vous répondre. Je pense. Bout de tabarouette, il est passé proche, lui. Il est passé proche. On va terminer le show. On va peut-être. On va aller prendre une bouchée, boire un peu, essayer de se réchauffer, se mettre en cuillère, puis essayer de se. Moi, j'ai les pieds gelés, honnêtement. On va terminer le show. On va peut-être revenir faire une version cette nuit. Non, c'est vrai, tu rentres à la maison. Oui, je rentre à la maison. Je vais peut-être cette nuit me setter pour faire une diffusion pour Couche-Tard ou pour Insomniac. On verra. Sinon, on se retrouve dans deux semaines. Pour le prochain podcast Mac Québec et un amateur de Mac, bonsoir. Ouais. Là, évidemment, c'est une mission mixée. Bernard, OK, parfait. Plus de son. Ah, OK, c'est Bernard qui a lagué. Fait que... ah, ouais, c'est ça. Bernard, avant que ta console parte en fumée. Non, moi, tout va bien. Pour moi, tout a continué comme prévu. Excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver sur Twitter avec @cybernard et bien sûr dans le podcast Mac Québec et les amateurs de Mac, bonsoir. Et dans tous les autres podcasts sur lesquels tu fais des voix. Oui. Donc, tu es dans l'épée légendaire, tu es dans l'analyse des geeks, fun de jouer jeu. Tu es fait tout, toi. Tu es monsieur podcast. C'est la voix du Québec. C'est la voix du Québec pour le podcast. Pour les pubs. Voilà. Attention. Jean-François? Oui. L'épée légendaire. Oui, je pense. Non, tu ne fais pas l'épée légendaire? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'il utilise ma voix, la pub là, que j'ai faite pour. Non, c'était fun jouer jeu, c'est vrai. Fun jouer jeu. Ah, okay. Voilà. C'est ça. Jeff, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver à Jeff1979 sur Twitter, Facebook, Google+, toute la gang. Je suis toute là. Tu l'as fait toute, toi? Je l'ai fait toute. Puis je pense qu'à deux, on fait. 22h30 sur 24. On est là tout le temps, des questions qui sont posées sur Twitter. On est tout le temps là. Je me réveille le matin, des fois, JF est là avant moi. Après-midi, là, je travaillais. Là. Tu sais, ceux qui ont un iPhone 5, il y avait une version différente avec Over the Air. Quand tu faisais la mise à jour, ça installait un logiciel à part pour passer par là. Ah oui? Ouais, si tu t'as fait, ça va installer un autre logiciel, t'as pas d'autre. Je travaillais, là. Je répondais à trois questions en même temps. une chance, j'ai un bureau, puis ma porte à... je peux la fermer. T'sais. Ouais, t'es comme Dexter, toi. Hein? Oui. Ta job, c'est un bureau fermé, puis tu peux te cacher, faire plein de recherches. C'est cool, ça. Non, mais tu sais, j'étais tranquille l'après-midi, là. J'avais du temps. OK. Est-ce qu'on a le temps de répondre à une dernière question? Bien sûr. Et il arrive souvent que mon iPhone 5, la luminosité baisse au minimum. Est-ce que je devrais aller au Apple Store prendre rendez-vous au Genius? C'est pas une fonctionnalité, ça, qu'on peut comme adapter? Oui, la version, Ça dépend, en fait, de ce dont il parle. Je l'ai expérimenté une ou deux fois. Et c'est effectivement, en fait, ton iPod, pour aucune raison, tu es en train de le manipuler, ton iPhone. Puis à un moment donné, il devient, tu vois encore l'image, mais c'est comme si tu avais descendu plus bas que le plus bas de la luminosité. Que tu pouvais c'est faire. Vrai. Et je pense que c'est un problème, en fait, au niveau du réglage des capteurs qui va peut-être être réglé, justement, avec iOS 6.01. C'est possible de prendre rendez-vous à Apple Store, mais moi, j'ai des réticences à ça parce que les appareils qu'ils te donnent, ce sont des appareils qui sont remis à neuf, là, on s'entend. C'est pas vrai que c'est des appareils refurbished ou quoi que ce soit. Quand Apple reçoit un appareil, il est démantibulé et toutes ses composantes qui sont recyclables sont renvoyées sur la chaîne de montage. Donc, votre appareil de remplacement, c'est un appareil qui est neuf, mais qui a comme un peu, des fois, sa propre personnalité, tu sais. Son bouton home qui va être un petit peu plus tough, il peut toujours avoir quelque chose. Donc, si tu es satisfait avec le reste de l'appareil et que tu n'as pas d'autres problèmes, moi, j'attendrais de voir si une mise à jour du système d'exploitation ne réglerait pas ce que tu as comme problème. Je veux dire, moi, je ne vais pas échanger mon téléphone parce qu'il y a des petites lignes sur le clavier quand je rentre mon mot de passe dans l'App Store. Je comprends que ça peut être désagréable, mais ça revient au bout de quelques secondes. C'est moi, ça, quand il le fait, en tout cas, là, c'est un problème logiciel. Donc, on est peut-être mieux d'attendre la mise à jour à ce niveau-là. Bien, c'est vrai que le problème, c'est vrai, je m'en suis rendu compte, moi aussi. Je viens de penser après, c'est vrai, à un moment donné, mon écran est venu noir d'une shot, je ne voyais plus rien. Il fallait que je le redémarre. Mais, Toi, tu l'as redémarré? Moi, ça m'est arrivé. Puis, j'ai attendu une couple de secondes, j'ai taponné, puis c'est revenu. Ah non, moi, il ne revenait pas. Okay. Il fallait que je le redémarre, moi. Et toi, Alexis, on peut te rejoindre où? Moi, on peut me rejoindre sur les internets. On peut me rejoindre sur les internets au Alex Cornelier sur Twitter. On peut me rejoindre aussi sur le site de MacQuébec dans la section services. Si vous avez besoin de mes bons conseils à la maison directement, c'est un service que j'offre. Ça, je fais dans la vie, en fait. En fait, le podcast, c'est une grosse infopub pour mes services. Mmh. J'en parle juste à la fin au lieu d'en parler comme... Je donne tous les trucs. Réparez vos trucs vous-même, puis si vous n'êtes pas capable, ben appelez-moi. Voilà. Et c'est ça. On se revoit dans deux semaines. Ben oui. À la maison, ce coup-là, avec une grosse couverte, un gros chocolat chaud, probablement le guédé au bout du nez parce que je vais avoir la crève. Je sens que le rhume va m'habiter bientôt. Et peut-être une petite dernière chose, si vous revenez en ondes, ben toi, Alexis, parce que Jean-François, tu disais que t'allais entrer à la maison. Ouais. À la maison. Donc, j'imagine que les gens peuvent suivre le compte Twitter MacQuébec et tu vas diffuser l'information via... Tout à fait. Ton compte et le compte de MacQuébec. Donc, si tu reviens en onde... On va faire ça crapule style à 10 minutes de... Ah ouais. À 10 minutes de préavis. Pow! Je diffuse ou je diffuse pas. Vous êtes là, vous êtes pas là. Ça marche. On remercie aussi tous les gens qui nous ont écoutés ce soir. On ne ferait pas le show si vous n'étiez pas là. Ça ne servirait à rien. Non, exactement. Puis c'est pour vous qu'on fait des espèces de set-up de malade mental comme ça. Puis qu'on est sur place. Puis qu'on aime ça. On trip. C'est le fun. Mais c'est surtout parce que vous nous écoutez qu'on le fait. Ouais. C'est des bonnes pratiques aussi. Plus on en fait, plus on prend de l'expérience, plus... Mais on est en retard, mettons. Ben, on est de moins en moins en retard. Régler un problème de son avant prenait une demi-heure et trois quarts d'heure et maintenant ça a pris 30 secondes. Voilà. Donc plus ça va, plus ça va vite. Ouais. Moi, on me demande, avant de partir, on me demande qu'est-ce que je vais acheter demain, en fait. Le seul iPad que j'achète demain, puis ça, c'est si les gars de Zone Accro se présentent, c'est l'iPad mini qu'on va défaire pour Zone Accro. Mais sinon, je suis juste là pour le fun. Ah ouais, pour poulet gratis. Ah ouais. Ben, pas gratis. Tu t'achèteras comme Jonathan l'année passée, un cover au deuxième. Salut, je viens chercher le fil là, pour le nouveau connecteur. Là. Avez-vous reçu ça? Là? C'est ça que vous sortez aujourd'hui? Ça va être drôle. La file qui va rentrer n'achètera pas d'iPad mini. Non, il y a pas un maudit qui voilà. peut acheter un iPad. Il y a GM mini. Qui est là pour en acheter un. Ah oui, c'est ça. Il y a un iPad 4, il n'y a même pas d'iPad mini vendu dans le truck encore. Ah oui. On va regarder ça. Passe la nuit, va-t'en demain matin à 8h, puis reviens à 10. T'étais pas là cette nuit, toi? On va regarder ça. Salut tout le monde. Bon, salut, ben, bye. Bonne bye. Soirée, là.